I need the sun, I need the sun. Sur 91.3, 91.3. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur. Il fait beau dehors et ça fait zizir. Mais non, ne sors pas de chez toi, regarde-nous en direct sur Twitch. Ou alors si, sors de te promener, mais écoute-nous sur ton smartphone alors. Comme ça, tu peux aller au fond du jardin et tu verras... Ouais, j'ai caché les œufs au fond du jardin, c'est génial. Pour les trouver, ce sera facile au bout y'a ma bite. Bon bref, voilà, toujours commencer par... Toujours commencer avec une imitation une touche de douceur de Patrick Sébastien. De poésie. Je cite mes sources, je l'ai entendu sur une autre radio, blague et musique, pour pas citer de marque. Ah, bah, voilà. C'est bien caché. Et ça m'a bien fait. Oui, t'as vu, je fais des efforts maintenant. Allez, on est en direct et ça c'est cool, hein. Comme tous les mardis, 19h, vous avez l'habitude maintenant. Et ça c'est bien. En plus, grosse nouveauté, maintenant l'application Twitch est disponible sur PlayStation 4, ouais, mesdames, messieurs, ouais. Comme ça vous pouvez nous regarder en direct sur la télé. Ouais, je sais que tu nous regardes de chez toi, assis dans le salon, avec une canette. Peut-être même un truc qui se fume de l'herbe et tout, qu'on n'a pas le droit, que c'est interdit, mais une que tu pizza. Fais quand même. Une bonne pizza. Ou une pizza, parce que tu es un geek et il faut bien que tu te nourrisses. Ouais. Et oui, et ça c'est cool, on a un bon programme ce soir. Évidemment non, je ne suis pas seul. Tagazu est là, mesdames, messieurs. Oui, je suis là, bonjour. On l'a à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Oula. Le Slender. Non, comment ça va? Je suis content, c'est une super semaine vidéoludique. On a testé Mitomo. Oui, alors on va en parler. On va en parler, parce que ça a beaucoup fait rire. Je joue à Terraway, celui sur PS4 là. Ah oui, oui, oui. Il est sympa, bon, plein de poésie. Et puis j'ai fini la saison de Walking Dead, voilà. Ah. Parce que bon, bien sûr, mon cousin des États-Unis m'a amené, bien sûr. Oui, les cassettes. Le DVD cette nuit, parce que c'est passé dimanche, le dernier épisode. Donc cette nuit, bien sûr, et j'ai eu le temps de le voir. Yes. Voilà. Tiens, je commence direct. Je fais salut à Jérémy 003, à Sgrog qui sont là. Salut le chat. Bonsoir la bande de Déjanté. Salut à toi. Salut à toi. N'hésitez pas à laisser des messages sur Twitch. Moi, je lirai tout en direct sur Facebook et Twitter. C'est la même. Puis tiens, il y a Weeping Jay aussi. Salut à toi. Welcome. N'hésitez pas à faire comme eux. Et nous, on lit tout en direct à l'antenne, évidemment. Et puis Dandy est là aussi, mesdames et messieurs. Oui. Alors oui, Dandy, on a passé la journée ensemble, on n'a rien branlé, quoi. Ah oui, voilà. On a regardé 70 épisodes de H, quoi. Ah oui, quand même. On a fait après procrastination. Et ouais, c'était carrément. Très sympa. Après le week-end qu'on a passé ensemble aussi. Et oui, parce qu'on a. Ça fait du bien. Il m'a aidé à déménager. Ah. Et franchement, il a géré. Ouais, mais en même temps, ça a été on rapide. On était plusieurs, hein. On était beaucoup. Plein. Bah, j'en reparlerai après, au pire, j'en ferai une dédicace tous ensemble. Et toi, du coup, tu joues plus à rien, quoi. En fait, non, en ce moment, je m'ennuie pas mal. Donc, c'est pour ça, je suis parti sur Mitomo. On va ça occupe, mais bon, après, voilà, c'est bien pour les post-caca, on va dire. Ah ouais, bon, voilà, ok, mais je vais vraiment le télécharger, ce truc. Mais bon, on va c'est en... bien. Je ferai voilà. le sommaire de l'émission tout à l'heure, mais on va en parler un petit peu de cette application de Nintendo, parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Et puis, ouais, j'ai regardé aussi, j'ai commencé à me faire la saison 4 de American Horror Story sur Netflix. Ah oui. Ouais. Et j'ai eu on va dire pas le dégoût mais la mauvaise surprise de voir qu'il y a un mec dedans qui a piqué mon nom qui s'appelle Dandy. C'est vrai ? Ouais. Oh, ouais. Salaud. Ouais. Ouais. Philippe, fais voilà. un procès. Oui, carrément, ça se tente. Puis bon, ça vu le perso en plus, ça fait un peu chier, quoi. Ah merde. Voilà, j'en dirai pas plus pour ceux qui connaissent pas la série, mais regardez-la, c'est très sympa. Mais c'est une bonne série, oui. Ah, American Horror Story. Ah ouais. Je recommande. Carrément. Et juste avant de présenter notre invité, juste à Gazou, est-ce que tu es comme la moitié des réseaux sociaux français et international, est-ce que tu hallucines sur la fin de Walking Dead aussi? Tout le monde crie au scandale. Non, alors je crie pas au scandale parce que j'étais un peu habitué. On est habitué à ce genre de fin. Ils avaient fait la même la saison dernière. Cliffhanger mais, ou quoi? Sans spoil, voilà. Bah, toujours, il faut toujours faire une fin comme ça pour relancer une autre saison derrière. Mais c'était donc, pas l'ultime saison? Non. Oula, ils en ont prévu plus de 10 déjà. Donc. Ok, d'accord. Donc ça, non, c'est moi. Je pensais que c'était la dernière. Non, c'est pas la dernière. Bah, c'est si la dernière. Si c'est la dernière, effectivement, là il y a scandale. Et là je me lève et je dis non. Pas content quoi. Pas content, non. Voilà. C'était convaincant. C'était convaincant. Oui, parce que vous le voyez pas, mais il y a du public derrière moi. Ouais. Et comme on le dit souvent dans l'émission, c'est le public de Chantal là-dessous. Donc il est un peu bourré dans un coin. Voilà. On l'embrasse Chantal, si elle nous écoute. Et puis il est là, il est venu nous rendre visite. C'est Adrien du studio Black Flag, un studio indé bordelais. Comment ça va? Très bien, même si je me demande pourquoi je suis pas en train de jouer à Quantum Break. Ah oui. Alors Quantum Break, va falloir qu'on trouve quelqu'un dans notre cercle d'amis qui a une Xbox One, qu'on puisse en parler dans l'émission. Mais le problème, l'infernal, c'est que toi, si quelqu'un dans ton entourage a une Xbox One, c'est plus ton ami. Ah bon? Comment c'est possible? Ou alors quelqu'un dans la rue. On lance un appel. Quelqu'un tiens, dans la rue. T'es chez toi, t'es à ce nom là, t'es pas loin dans le domaine du Loret, t'as une Xbox One, viens dans le studio. Tape chez tes voisins peut-être. Ouais, voilà. Ils en ont une. Il est aussi disponible sur Windows 10 par le Windows Store. Ah oui. Windows 10, ouais. Ouais. Ah bah oui, Windows 10. Voilà. Ouais. Ouais, t'as commencé par dire quelque chose qu'il fallait pas. Parce que moi j'ai encore Windows XP quoi. Non, c'est voilà. Windows 7 je crois. Je suis Windows Millennium. Hein. Moi j'ai upgradé mon 98, il marche pas mal. Alors il y a Sgrog qui fait ah c'est pour ça l'infernal que tu as toujours des manques de boissons au studio. Exactement, parce qu'il picole tout derrière. Et puis vous remarquerez que je me suis rasé. Alors pour ceux qui sont en direct sur Twitch, je me suis rasé. En fait c'est l'accident industriel. Tu sais ça t'arrive des fois. Tu te dis bon allez je vais me tailler un petit peu la babar, tu vois. Parce que ça, elle était grande, ça faisait un peu trop aller babar quoi. Et donc je me dis je vais me la tailler un peu. Et en fait j'ai attaqué mais genre le sabot à zéro quoi. Voilà, c'est le truc qui arrive quoi. Et tu sais, tu fais oh merde, j'ai froid. Et puis du coup, voilà, j'ai fini. Et vu que c'est une tondeuse de merde, j'ai une espèce de barbe bizarre qui pousse. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc je vais faire comme ça. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, je vais me cacher un petit peu le visage, tu vois. Mais bon, bref, voilà. Là, j'ai déménagé. Donc les streams vont revenir. Hein. Dès demain, je récupère internet à la baraque. Les streams vont revenir gentiment. Alors attention, faudrait être indulgent. On repasse à l'ADSL. Les yeux. Ça va en mode Minecraft. Voilà. Je vais streamer du Minecraft avec l'ADSL en fait. Ça va cligner des yeux en même temps. Eh ouais, carrément. Ah ouais. À l'ancienne appart, on avait la fibre et du coup, c'était du stream en 720p. Et là, ça va être de l'ADSL. Va falloir être indulgent. On a Kogu qui arrive. Mais voilà notre Kogu national qui arrive. Voilà. Tiens, hop, je t'ouvre ton micro. Et donc voilà, les streams vont reprendre gentiment sur la chaîne. En plus, la semaine prochaine, il y a Ratchet & Clank, il y a Dark Souls, il y a du bon dos. On va refaire la matinale de la Voix du Geek comme on faisait avant. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Si, j'ai encore un problème avec mon chat. Jacob. Oui. Oh là là, mon dieu. Alors, je vous l'avais dit dans une précédente émission, parce que monsieur aime bien, tu vois, se mater des DVD de temps en temps. La dernière fois, le chat, il se mate les Aristochats, il s'était mis dans la tête d'apprendre à jouer de la trompette, le gars. Bon ok. Bon là on déménage, j'avais plus de bouffe. On lui a racheté des croquettes. Dandy est témoin. Dans ces croquettes il y a de la taurine. Truc de ouf. C'est écrit sur la boîte. Je vois pas le Jacob. Il passe pas avec les couilles qui pendent et des cornes de ouf mon gars dans le salon. Il a les hormones qui. Alors on a un gros problème là. Obligé d'acheter un drap rouge pour qu'il aille. Tout à l'heure ils sont entravés dans ses couilles le chat. Ah ouais mais carrément. Faut le faire. On va changer de marque de quoi. Il y a Adrien, notre invité qui hallucine. C'est une émission de jeux vidéo c'est ça? Oui mais non. Faire un petit point animalier. Jeux vidéo et chat. Voilà, on se spécialise. Jeux chat. Et chat. On va arrêter sur ce sujet. Là on glisse là, ça y est. Excusez-moi, je me suis trompé d'émission apparemment. Ça doit être le studio d'à côté. Voilà, c'est ça. Allez, je bascule tout de suite le studio sur les animaux de la 8. Hop. Et en invité surprise Samina Seri avec son clip de 30 millions d'amis. Alors, tu sais quoi, pendant le Scud, je vais le chercher, on va s'en mettre un extrait. On va s'en mettre un extrait. Super. Et puis il est arrivé. Kogu est là. Comment ça va mon poulet? Ben ça va. Ben vous savez, moi tous les mardis soirs de 19h à 20h30, c'est un petit peu ma libération conditionnelle. Donc, du coup, voilà, Thug Life. Je suis là. Et ça me fait plaisir. Heureux de vous retrouver. Bah, pareil. Et puis, je te le dis à l'antenne, mais un grand merci de m'avoir dépanné pour faire un stream. Je t'en prie. Qui n'a pas marché. On a passé la matinée. Tu sais qu'à chaque fois que tu veux faire des streams qui tombent à l'eau, tu peux venir chez moi quand tu veux. Pas de problème. Et donc, impossible de streamer. Je sais pas ce qui s'est passé. La connexion, il y avait de l'orage. Pas ce que je crois que j'ai compris. Ah. Ouais. Tu as pris le câble blanc qui pendait. Bah ouais, voilà. Je t'allais dire, dès que ça pend, de toute façon je tire dessus. Et ben voilà. Et donc c'était le jaune. Ouais, il y a un mauvais contact dans ce câble là, c'est pour ça que je m'en sers pas. Mais je le laisse par contre pour les amis qui viennent et qui essaient de le prendre. Voilà, donc en gros vous pouvez m'appeler Pierre Richard, hein. C'est cool quoi, tu vois. J'ai aussi des briquets qui marchaient pas à côté, j'espère que tu les as vus, je te les ai laissés. Ils étaient bien à côté du stylo qui n'écrit pas. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Tiens, il y a du monde sur le chat là, ça fait plaisir. Il y a Grog qui nous fait ses... Salut tout le monde. Hey, ça mais fait ça y est, on peut nous voir depuis la PS4 alors. Et oui, ça y est. Coucou, je suis dans ta PS4. Alors attends, mais ça fait, c'est du fait que tu streames plus, donc t'as trop de temps pour te tondre. Taurine dans les croquettes. What the fuck? Tant que ton chat l'infernal ne fait pas comme dans la pub, il passe à travers le mur. Salut GL Jindathwalk. Enfin bref, voilà. Laissez des messages, on les lira en direct. Ce soir, bon programme. On vous fait les news jeux vidéo de la semaine. À la nuit, on s'écoute Busta Rhymes. Alors attends, c'est quoi le morceau? Tac, je le retrouve. C'est Break Your Neck. Ouh là là. Break Your Neck. Il y a quelqu'un dans les couloirs qui arrive en courant, je sais. Ouais, oui, il y a James. Tu vois qui c'est. Ouais. Break Your Neck. Un truc du style. Après, on parle avec notre invité Adrien du studio Black Flag. Studio indé bordelais. On va voir un petit peu ce qu'ils font. Il y a du bon dos, hein, franchement. On a du son aussi, parce que tu composes. Et ouais. Carrément. Donc, on va s'écouter ça. À 20h, on s'écoute le morceau préféré de Dandy actuellement. C'est Bonnie Tyler avec I Need a Hero. Si, c'est des conneries, tout ça, je déteste. Vous l'avez vu, si vous avez regardé Twitch avant que ça commence l'émission, il est en train de se dandiner sur le titre. Ah ouais, d'où Dandy en fait. D'où Dandy, voilà. Dandy, c'est le diminutif de dandinement. Ouais, je suis un dandineur pro en fait. Voilà. C'est un peu l'idée. Et puis après, on va parler de Trackmania après 20h et de... Alors c'est Mitomo. Non. Mitomo. Ah, y arrive comme un mi. J'y arrive pas. Mitomo, l'application gratuite de Nintendo qui est téléchargeable sur smartphone. C'est une espèce de Facebook avec des Mi qui a l'air un peu what the fuck. Bon bref, on a des trucs à vous lire et à vous faire écouter. Je pense qu'on va se marrer. On va se marrer. Et en plus, on en parlait tout à l'heure avec Dandy, mais en gros, on dit tout à l'antenne. O2 Radio n'a pas les moyens de se payer un avocat parce qu'on aimerait bien faire des canulars téléphoniques. Ah, oui. Mais en cas de problème, toutes les grosses radios nationales que vous écoutez, où ils font chier le monde dès le matin, si quelqu'un se retourne contre eux, ils ont les épaules pour pouvoir se protéger de ça. Donc nous, on veut faire des canulars aussi téléphoniques. Moi, j'ai un peu grandi avec ça et c'est ce qui fait que j'ai fini là à ce micro un peu. Et donc ce qu'on va faire, on va en enregistrer, mais ils seront pas en direct. Et gentiment, à la fin, on demandera aux gens s'ils veulent bien qu'on les diffuse. Voilà. Donc d'ici la semaine prochaine, il y aura des canulars, ils seront pas en direct, mais on va les enregistrer. On va appeler des gens qui ont des noms de personnages de jeux vidéo pour leur casser un peu les couilles. J'ai trouvé plein de Monsieur Bison, une Madame Chun-Li, Jean-Claude Ryu. Ouais, des choses. T'imagines Jean-Claude Ryu quoi. Bonjour. Oui, c'est possible. Enfin voilà, on vous prépare ça. Il y a plein de trucs qui arrivent et ça c'est cool. Cool. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Oui. Parce qu'on a plein de choses à vous dire là. En plus, non, ça va, on a le temps. Allez, c'est y part. Eh ben, qui s'y colle? Eh ben, allez c'est parti. Gaz. C'est moi qui m'y colle. Donc, je vais vous parler du 1er avril. Parce que, bon, dans le monde vidéoludique, vous savez que, voilà, c'est à celui qui aura la plus d'imagination. Donc, j'ai noté, hein, il y en a qui ont annoncé la PS4 Slim Ultra 4K. J'ai bien aimé la bande d'annonce de Dark Souls 3 en version VHS. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ah non. Bien rigolo. Super classe. Moi, c'est-à-dire que j'ai passé une semaine sans internet en autarcie totale. Ah ben voilà, t'as loupé tous les 1er avril, les poissons d'avril. Et je trouve que le meilleur était le poisson d'avril de CD Projekt Red, qui sont le studio polonais qui ont fait The Witcher 3. The Witcher. Puisqu'ils ont fait un hommage à Ablett, le cheval complètement voilà, qu'on embrasse, je sais qu'on embrasse et qui a fait rager mais tant et tant de joueurs. Bah, il était particulièrement buggé ce canasson quoi. Ben oui, mais justement ils ont pris cette vidéo et justement ils ont fait appel à des bug designers pour faire bugger volontairement le cheval. Parce d'accord. Ils disaient qu'en fait les testeurs avaient le mal de transport puisqu'il était trop bien fait au début. Donc ils ont fait exprès donc d'appeler des bug designers pour faire voilà. Donc il y avait des gens qui faisaient une scène de motion capture où voilà, habillé en cheval à Blette et qui faisait n'importe quoi. Après, tu voyais qu'il descendait, il était sur deux pattes. Enfin, c'était n'importe quoi. Et ça finit, donc, faut voir absolument cette vidéo. Ça finit sur le DLC spécial à Blette où il va parler. Donc, il sera à 5€ où à Blette te parle. Tu veux du miel blanc. Enfin, il me tarde le DLC boucherie chevaline. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça rigolo de s'auto-critiquer un petit peu. Et voilà. Parce que à Blette, c'est vrai qu'elle a fait rager pas mal de monde. Bah ouais. Donc voilà, c'était un petit point sur les poissons d'avril dans le monde du jeu vidéo. Tiens, on embrasse Winlad qui nous follow. Merci à toi, welcome. Merci. Merci. Alors, moi j'enchaîne, je vais vous parler d'un teaser qui est sorti récemment, celui d'Outlast 2. Alors, parmi vous, il y en a qui ont fait le 1 là ou pas? Oui, le 1 plus le DLC Whistleblower. Ok, tu l'as fait ou pas? Non, pas du tout. Toi, je sais que tu l'as fait et que t'adores. Lequel j'ai goûté pas? Outlast. Je fais un peu de repassage en même le temps. Le 1. Le premier Outlast. Oui. Je sais que t'as adoré. Hein. Ouais. En cachette, je l'ai vu bouffer deux croquettes du chat quand même. Oula, il va se réveiller. Ah non, merde. Et toi, Adrien? Ouais. Les croquettes pour chat, j'essaie. Pas mal. Non, mais tu l'as fait ou pas le premier Outlast? J'ai fait le premier, pas en entier, mais j'en ai fait une bonne partie. T'as bien aimé? C'était cool. C'était okay. Une bonne idée. Donc là, voilà, on nous a teasé le 2. Alors, à savoir, attention, la vidéo du teaser est assez particulière. C'est un fond noir avec une croix inversée. Donc, à tendance un peu, on va dire, Diabolique, sataniste. Ouais. Et concrètement, on entend parler, mais on a vite compris que c'était tout un speech qui était mis à l'envers. Ouais, carrément. Donc, il faut réécouter à l'endroit. Donc, en gros, quand on l'écoute à l'endroit, bon, ça va pas vraiment vous parler, mais ça dit « Les enfants, vous, amoureux de Dieu et défenseurs de son paradis, toutes nos années de souffrance prennent fin en ce glorieux jour de paix. » Même dans le temps immonde et corrompu, des Romains dans la ville puritaine. Ça donne envie d'y aller, hein. On est au deuxième jour du quatrième mois, blablabla. Bon, enfin voilà. En gros, tout ça pour dire que c'est sur le thème de la religion. Et pas n'importe quel thème de la religion. Pourquoi? Parce que c'est inspiré de faits réels, en fait, sur une tragédie qui s'est passée à Jonestown. Et ça dans les années 70. Et je me suis renseigné un petit peu sur cette tragédie pour savoir de quoi il s'agissait. Et en fait, c'était un petit peu comme une secte de gens qui étaient tous ensemble, donc qui prônaient le côté de voilà, il y a une personne sur Terre qui va arriver, qui va être le fils du démon, et en gros, donc les humains vont mourir, et en gros, c'est à cause des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Enfin, c'est tout un gros bordel. Ça a l'air sympa. Ah non, mais c'est un truc de malade. En gros, c'est pour dire que les humains vont tous crever pour laisser la place aux extraterrestres pour venir sur Terre. Mais c'est une histoire vraie, ça ? Et c'est une histoire vraie, mais c'est une secte, donc le fait que les gens soient un petit peu timbrés. Tu vois. Je coupe le son et je le dis et je le répète. Quand vous ramassez des champignons le dimanche, passez à la pharmacie avant de faire des omelettes. Voilà. Merde, on l'a dit et répété ça. Et donc en fait, ce qui s'est passé pour que ce soit une tragédie, la tragédie de Jonestown, en fait, il y a eu 913 personnes qui ont fait un suicide collectif. Oh là là. Voilà. Et la musique des news colle tellement bien avec ce que tu dis que j'en suis tout retourné. Ça fait de la place, hein. Ça s'appelle la sélection naturelle. C'est ça. Voilà. Là, on y voilà. Est là. Donc je pense que si ce jeu se base vraiment sur ce genre d'événement, ça peut être bien tordu et bien barré comme dans l'esprit d'un bon Outlast. Ouais, ce serait cool une compatibilité PlayStation VR dans l'idée. Oh oui. Oh là là. Malheureux. Carrément. Tiens, je fais juste une petite parenthèse. Il y a GL Jindé. Je vais t'appeler Jindé. Qui fait, j'attends un Dimitri Zangief. Est-ce qu'on le trouvera? C'est et il y a Grog qui nous fait, ce que je trouve dommage dans les 1er avril dans les jeux vidéo, c'est qu'on n'a pas comme dans Guild Wars des petites modifications faisant changer ton perso. Ça, c'était marrant à l'époque. Oui, ouais, des trucs un petit peu Je suis sûr qu'en cherchant dans certains, il y en a eu des grosses têtes. Voilà, certains MMO. J'ai pas vérifié, mais Fallout en général, pour Noël, ils avaient mis des sapins. Oui, c'est toi qui m'avais dit que pour les attentats à Paris, ils chantaient la Marseillaise. Oui, c'est le ça petit robot. Alors, j'ai plus son nom qui t'accompagne. Tu sais, le robot qui vole avec tous les ustensiles. Il chantait la Marseillaise. Ouais. Ben là, peut-être qu'ils ont fait une connerie, hein. Mais bon, j'y suis plus dessus, donc je pourrais pas vous dire. Ouais. Bon, voilà. Allez, Kogu. Alors moi, ça va être une petite news nécrologique. Ah. D'accord. C'est vrai que c'est ton truc, ça. Voilà, moi c'est mon truc. Moi, dès qu'il y a, on peut parler de mort ou n'importe quoi. Je suis sur le kiff. Attends, et je te prépare les rires enregistrés. Attention. À la fois, ben, je vais parler d'une mort et d'une naissance. D'habitude, on fait plutôt dans le sens inverse. Ça, on commence par naître, on meurt après. Et voilà. Ben, en fait, on a appris, ben, comme par hasard, le 1er avril, la mort de, attention, Sony Computer Entertainment. Ah oui, est-ce ah, oui, que oui, ça oui. parle à quelqu'un ? Oui, oui. Voilà. Ben en fait, ben comme annoncé donc en janvier dernier, Sony a décidé donc de réorganiser toute la maison PlayStation en fusionnant donc ben, ses activités ben, les plus lucratives. Hein. Et donc ils ont fusionné avec Sony Network Entertainment pour créer donc une nouvelle société dont le QG est implanté à San Mateo en Californie, s'il vous plaît. Oh yeah. Attention, yeah. Non, il y a pas James. Non, il est pas là. Non. Ou Mike Horn. Il y a peut-être Mike Horn. Ah, Mike Horn. Je le déteste aussi. Ça tombe très très bien. Et, oh, tiens, j'ai perdu ma note. Allô? Oui, Mike. Oui, yeah, Mike. Je suis toujours en direct de l'île de The Iceland, sur MCS. Il faudrait vraiment venir me chercher, hein, parce que là, je mange du bambou maintenant, là, putain. J'ai qu'à manger, c'est chaud. Alors, à chier, je vous explique pas le délire. Le mec, il chie des paniers en osier, tu sais. On y pensera, Mike, on viendra te chercher. On t'envoie un hélico. Ok, merci, je vous laisse. Hello de l'eau. Hello de l'eau. Hello de l'eau. Alors, est-ce que t'as retrouvé ta note? Et donc, bah, après plus de 20 ans de service, le nom Sony Computer Entertainment va définitivement disparaître pour officiellement, on peut vous dire aujourd'hui, Xbox. C'est un garçon, hein, et donc il va s'appeler... Tu nous le diras après Sony. La pub. Et vous le saurez après le spot pub. Donc aujourd'hui, il a se place donc un beau bébé du nom de Sony Interactive Entertainment, le SEI. Ok. Donc okay. Avec différentes filiales, il y en a plein. Il y a donc Amérique, Asie, et donc voilà. Et tout ça pour vous dire que la seule chose qui reste. Ils sont restés un petit peu nostalgiques. Ils ont changé de nom, mais ils gardent notre petit logo avec le petit losange. Yes. Voilà. Donc ben bon vent à toi Sony Computer. Et puis eh ben tu as toute la vie devant toi Sony Entertainment. Envoie-nous des cartes postales, ça fait toujours zizir. Odeur radio, domaine du Loré, ce nom. Et puis tiens d'ailleurs c'est cette semaine que le dernier serveur de la PS2 a été fermé. J'ai vu ça aussi. Mais je sais pas sur quel jeu. Ben surtout en fait, je crois. C'est la connectivité online. Ah ouais. Il y avait Socom peut-être. Ouais. Ouais. Ok. Bah moi je vais rester chez PlayStation parce que demain sur PS4 il y a une grosse mise à jour. Elle est un peu arrivée de nulle part. Il y a certaines personnes qui avaient pu la tester en version bêta. Donc il y aura pas mal de choses. Là il y a un truc qui sera assez pratique. C'était déjà disponible sur la One à son lancement. C'est le fait d'apparaître hors ligne. Ah ouais. Enfin. Donc ça c'est pas mal, ça va éviter de se faire spammer parce que moi du coup j'accepte tout le monde en ami et il y a des moments t'es en train de regarder un film, on t'envoie des invites de partie, tu vois. Donc c'est très relou. Mais même dans la vraie vie tu fais pareil et c'est hyper saoulant. Oui, carrément. Des notifications lors de la connexion d'un ami. Donc ça c'est pas mal, ce qu'on disait tout à l'heure avec Dandy dans la bagnole, des fois tu joues, t'attends ton pote, donc tu quittes, tu vas voir s'il est là, là au moins quand il se connecte tu recevras une notif, on pourra créer un événement en ligne, quand on fera des streams on pourra créer des événements pour telle date et tout, ça peut être pas mal, il y a des nouvelles options pour jouer ensemble dans une partie, on pourra streamer sur Dailymotion. Pour ceux qui préfèrent, il y aura des tags d'amis. Mais ta mise à jour, en fait, c'est le Xbox Live que t'es en train de décrire là. Bah non, ouais, non, c'est juste la. C'est ce qui existe depuis maintenant pas mal d'années. Bah oui, carrément. Xbox, voilà. Où carrément. Tomber les consoles, pour qu'on soit content d'une mise à jour comme ça. Voilà. Ouais. On veut des jeux. Ensuite, il y aura la création de comptes possibles pour les ados de 13 à 17, une mise à jour de la PlayStation application ça, et le fait connerie. De pouvoir. Ouais. Et le fait de pouvoir faire du remote play, donc de pouvoir streamer la PlayStation directement sur un PC en 720p maximum. Par contre, il faudra Windows 8, Windows 10 ou plus. Si vous avez Windows 11 ou 12, ça passe. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc grosse mise à jour demain. Et pour ceux qui l'auraient pas fait encore, vous pouvez vous télécharger l'application Twitch, qui est hyper bien. Franchement, elle est hyper classe. C'est hyper bien rangé et tout. Et vous nous voyez en HD et tout. Et c'est ça fait zizir hein, pour ceux qui nous regardent. Voilà. Allez, vas-y, Taga, enchaîne, et juste après, on s'écoute Busta Rhymes et Break Your Neck. Alors, juste avant le scud, donc, tu m'as fait une demande infernale, c'est de répertorier un petit peu tous les événements qui ont lieu dans la région. Donc, en Aquitaine. Voilà, en Aquitaine, surtout sur Bordeaux, hein, faut bien le dire. Donc, en ce moment, il y a la semaine du digital, jusqu'au 9 avril, au Hangar 14, à Bordeaux. Où est d'ailleurs Black Flag, vous y êtes? Demain. D'accord. Ou Hangar 14. Démonstration du jeu, donc. Ouais, on va sûrement faire de la programmation en live, du level design en live, et cool. Puis il y aura deux jeux jouables sur notre stand. Voilà, donc je fais aussi un salut à mon ami David qui a fait une Game Boy d'une hauteur de 1 mètre qui est jouable. Il a fait voir ça sur Facebook. Elle est jouable justement la semaine digitale. Donc si vous avez le temps, allez faire un tour. C'est jusqu'au 9 avril. Après, j'enchaîne avec le fameux, le célèbre vide-grenier geek que l'on fait. Ouais, et qui en fait cartonne sur les réseaux sociaux. Cartonne sur les réseaux sociaux et voilà, même on a plein de demandes. Et c'est donc le 10 avril où voilà, vous aurez tout. Il y a plus de 35 stands pour acheter tous vos petits jeux du rétro, du moderne, de l'informatique, tout ce que vous voulez. Après, je passe au 16 avril où là, on est à Connectoire 2.0. Ça se passe à Talence, à Thouars, au Dôme de Thouars, où justement toute l'équipe de la Voix du Geek sera présente, puisque apparemment l'Infernal, on fera le show. On fera aussi donc après le BGF. Le oui. BGF, le BGF, qui est du 14 au 16 mai au Parc des Expositions, comme chaque année. Et cette année, ça a l'air de cartonner. D'ailleurs, si voilà, t'as peut-être l'info à donner pour le BGF. Ouais, du coup, pour le BGF, donc on sera là-bas, on va enregistrer une émission du Bordeaux Geek Festival, bah, comme l'an dernier. Sauf que là, on sera sur le stand d'une web radio bordelaise qui nous prête gentiment leur matos. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de news et tout, mais on vous tiendra au courant. Moi, je suis sans pour parler, donc ça arrive bientôt. Voilà, bah c'est un peu, j'ai fait le tour des événements dans Bordeaux et ça arrive. Yes. Ok, bah écoute, moi j'ai enchaîné avec une petite news assez rigolote, on va dire Microsoft s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec, comme on en a parlé la dernière émission, le 23 mars ils avaient sorti sur Twitter donc l'IA qui s'appelait Tay, donc qui a raconté pas mal de conneries où tout le monde a dit que ça a fini par devenir un monstre, oui, un antisémite, etc. Il faut savoir que pendant son temps d'activation, elle a quand même balancé que, alors je cite, la PS4 est meilleure et bon marché, et ensuite la Xbox One n'a pas de jeu, alors que c'est créé par Microsoft. Voilà, c'est un petit peu le petit coup de loose, quoi, pour le coup. Voilà, c'est tellement beau de voir cette intelligence artificielle partir complètement en con. Ouais. Ah ouais, non, mais complet. Hein. Voilà, c'était. Je c'est pense marrant. Qu'on peut. À mon avis, il y a un mec qui a dû mettre un coup de tampon sur le dossier. Toum, échec. Oui, voilà. Bon, celui-là, tu le reprends en bas. Recommencer. Fais des remastered. Allez, voilà, mets des jeux Xbox 360 sur la One, ça ira bien. Ça ira bien. Toi, tu touches pas à ça, d'accord. Ouais. T'imagines pour que même l'IA du gars, tu sais, elle lui, faut, c'est ouf quand même. Je pense que c'est parce que voilà, clairement, ça s'imbibe de tout ce que les gens disent. Ouais. En fait, cette IA là, clairement, c'est un mouton. C'est-à-dire, elle va prendre l'apparence, elle va réciter ce que la majorité des gens disent. Donc si t'as la majorité des gens qui disent ça, bah voilà, je pense Y a beaucoup d'adeptes de la théorie du chaos sur Internet et des groupes comme ça, voilà. Fallait pas prévenir forcément. Voilà, et ils se sont tous ligués pour lui faire dire un petit peu n'importe quoi. Ah donc, ouais. C'est ça, hein. Ils l'ont peut-être aiguillé un peu là-dessus. Voilà, hein, et groupes de féministes ou des groupes, voilà, un peu plus obscurs qui voulaient absolument qu'elle dise n'importe quoi. Les mecs et ils ont réussi. Pendant plusieurs jours, réussi. Là, ils étaient là à écrire la même chose. Ah oui, oui. Vive les Femen, vive les Femen, j'adore la PS4. Moi, je me suis trompé. Écrivez vive les Fennec, vive les Fennec. C'est pour ça qu'il est sorti. Ouais, j'adore les Fennec. Mon Dieu. Allez, vas-y, t'as gazou. Kogou, vas-y, enchaîne. Alors, une petite cette fois. Ah. Allez, une petite. J'ai parlé de mort, maintenant je vais vous parler de verge. Ah, mais c'est bien. On est content que tu sois là. Voilà, je sais que vous m'attendiez, non Peggy simplement 18. Pour vous dire. Voilà, petite news. Je sais que beaucoup de gens l'attendaient. C'était pour remercier Tom App, qui est donc le développeur de Axiom Verge. Qui va sortir donc sur PS Vita. Sérieux ? Et qui est pour lui, en fait, c'est un jeu éponyme et en hommage en fait à Metroid et Castlevania. Ah, donc, ouais. De l'époque. C'est très voilà. Où on incarne un sgeg. Et on a enfin la date. Il a réussi donc. C'est la deuxième fois et il va pouvoir vous annoncer du coup qu'en plus non seulement le jeu sort le 19 et qu'en plus il va être cross-buy, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y jouer sur votre PS4, sur votre PS3 et sur votre Vita, si vous avez, tous les autres, tous ceux qui n'ont pas, tous les supports, eux, bénéficieront d'une remise de 10% le 19, le jour de sa sortie. Mais honnêtement, regardez des vidéos dessus, des trailers, c'est un jeu, mais de ouf, et ça va cartonner. Ça s'appelle Super Verge. Ça s'appelle Axiom Verge. Axiom Verge. Ça me plaît déjà. Et on joue quoi, alors? C'est un petit peu, c'est de la plateforme. Oui, mais le bonhomme, c'est quoi? Tu découvriras. D'accord. Ça n'a rien à voir. Non, si vous voulez un jeu avec des verges,

till you start to break them back, nigga. Break them back, nigga. Break them back, nigga. Break them back. Vous écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour dans La Voix du Geek, toujours en direct jusqu'à 20h30. Dans un instant, on vous parle de Trackmania, de Mythomo, l'application de Nintendo disponible sur smartphone. Mais avant, on va parler avec notre invité Adrien du studio Black Flag. Alors là, quand il déchire ses news comme ça... Je me vénère. Je peux te dire qu'il est pas bien, le gars. On embrasse Goustique. On embrasse Goustique. Salut Toto, tiens, qui nous rejoint sur le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais, si. Alors, tiens, il y a une question, parce que les jeux PlayStation Plus sont disponibles dès aujourd'hui en téléchargement sur la PS4. Et on nous demande, tiens, Grog nous demande si le jeu zombie vaut le coup. Alors moi je l'ai fait sur... Sur Wii U, il faut le faire. Il faut le faire. Sur Wii U. Ouais, moi je l'ai fait sur Wii U, je l'ai racheté sur PS4. On perd quand même un petit peu du délire. Bah oui, la mablette, il fait pour beaucoup, hein. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Ok, bon, j'espère que ça répond à ta question, parce qu'il se pose la question, parce que son disque dur commence à être un petit peu serré. Tout comme mon slip. Alors, on va s'envoyer une petite bande-son. Est-ce que tu es ok, Adrien, pour qu'on envoie un son à toi? Mais fais-toi plaisir. Parce que tu es aussi compositeur. Alors, hop, c'est parti. Tu nous attaques pas après, en procès, hein, pour diffusion de ton son. Celle-là, en plus, elle est pas de moi. D'accord. Ah bah, c'est super. Bravo. C'est bien. C'est parfait. Ok. Quel enmarré de journalisme. Mais c'est la prochaine chanson du... c'est le titre du prochain jeu de Black Flag. Ah, ok, donc on va pas griller les étapes, on va balancer celle-là. Alors ça, c'est bon. Nickel. Ok, cool. Eh ben, présente-toi un petit peu, si tu veux. Alors, je suis Adrien de Black Flag. À la base, je suis game designer, et après avoir fait ma base dans quelques années sur quelques studios de jeux indépendants, j'ai fini par faire un peu de tout. Du graphisme, du game design, du level design, de la musique, de la gestion de projet, du serrage de main, des trucs plus ou moins bien. Et finalement, je suis devenu directeur créatif et j'ai fini par dire « Allez, ça suffit tout ça, j'en ai marre de bosser sur des jeux pourris sur mobile, je veux faire du vrai jeu hardcore ». Et on a monté Black Flag en coopérative pour faire du jeu indé de pirates. Voilà. Yes. D'où le nom. Alors, exactement. Pour les auditeurs qui se posent la question, oui, il est venu en chaloupe. Hein. Voilà, oui, c'était la grande question. On voulait dernière. La faire. On se posait la question, si tu vivais avec un perroquet sur l'épaule, eh bien, on a notre réponse. Non, moi, je suis plutôt des pirates qui ont un singe. Ah, ah ouais. C'est oui. Pas pareil. C'est donc du coup, c'est un pirate Monkey Island, en fait. Exactement. Non, en fait, j'ai des rats. Ok. Et du coup, donc le studio, il existe depuis combien de temps? Depuis juin 2014 ou 2013, je sais plus. Yes. Et donc, vous avez sorti combien de jeux dans l'idée? On a sorti un sur Steam il y a pas longtemps, il y a genre un mois. Il y en a un que j'ai fait avec des élèves l'année dernière, et il y en a un qui sort dans l'année normalement, si tout se passe bien. Et oui, mais on s'est vu à l'ECV, voilà. Je cherchais pendant les portes ouvertes. Alors, celui que t'as fait avec tes élèves, c'est Game Over? Exactement. Ouais. Alors, bah, parlez-en un petit peu, tiens, de Game Over. Hein, parce alors, que toi, tu l'as essayé un peu dans des... Je l'ai testé tout à l'heure chez toi, là. Avec la manette de Xbox 360. C'est j'ai bien. Essayé de faire dans les conditions optimales, tant qu'à faire. Oui, alors, donc, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller sur le site dont Studio Black Flag. Vous avez deux petits encarts, donc, excuse-moi, j'ai oublié le premier nom du jeu. Irmin Soul, voilà. Donc qui est leur jeu le plus récent et l'autre Game Over, donc qui est un jeu Flash sur Unity, Flash hein, c'est ça? C'est du HTML5. HTML5 pardon. Enfin du WebGL même. Ouais. Donc vous pouvez jouer sur votre navigateur internet et qui est un petit jeu de plateforme arrête-moi si je me trompe, où on joue avec la perspective du décor. Donc on doit faire voyager une petite boule et ramasser des cristaux. Puis arriver à un portail et essayer de débloquer tout le monde justement pour arriver à voir tous les portails. Donc moi j'ai bien avancé mais j'ai pas tout débloqué, je t'avouerai, j'ai pas joué à fond. Mais ouais, j'avoue que c'est pas mal. Ça ressemble un petit peu à ces jeux qu'on trouve sur tablette ou smartphone du style, je sais pas si ça te parle, Isoball. Non, c'est ce truc pas, où tu joues un peu avec l'équilibre, t'as la boule, tu la fais traverser sur des plateformes. C'est un peu le même délire, mais au final, avec quelque chose d'un peu moins... Un peu comme Marble Madness, voilà. Ouais, il y a quelques années. C'est ça. C'est ça. Mais en contrôlable. Mais, voilà, d'accord, en contrôlable. Voilà. C'est-à-dire, il y a pas le côté équilibre. C'est-à-dire que c'est, voilà, tu joues une sorte de... c'est de cubes un petit peu lumineux qui je sais pas, qui se dédouble, qui est assez particulier. On dirait une sorte de force bizarre avec des trucs qui tournent en boucle. Et ça se joue comme un Mario, quoi. Tu sautes, tu passes d'un endroit à un autre, voilà, tu te téléportes à travers un portail, Mais c'est pas mal. Et ça a été développé en combien de temps, ça? À la base, on l'a fait en un week-end. Un week-end? Ah ouais. Et c'est une game jam, en fait, exactement, que vous avez fait. Ah, c'est pour la Global Game Jam qu'on avait fait ça. Et donc c'était 6 élèves qui ont fait la partie graphisme, level design principalement, et une partie de la musique aussi. Alors des élèves de l'ECV, c'est ça? Exactement. Ouais, on va recevoir des élèves de l'ECV d'ici. On a Max aussi qui est pas là ce soir, mais qui fait partie de l'équipe. Bah tu qui connais, est à l'ECV, oui, tout à fait. Enfin, qui faisait partie de l'équipe, il le saura bientôt. Donc voilà. Bah en tout cas, on s'est bien marré. Et ensuite, on a voulu participer à un concours, donc on a un peu amélioré le jeu pour le porter à une dizaine de niveaux en tout. Alors la version qui est en ligne actuellement, je me suis rendu compte en la testant tout à l'heure qu'il y avait un petit bug dedans. Toutes les plateformes qui sont censées bouger ne bougent pas. Ah. Donc ça rend le jeu autrement plus difficile que ce qui était prévu à la base. D'accord. Donc ça va être corrigé très bientôt. Mais voilà, c'est un petit jeu, je pense qu'il y en a pour une heure si on veut tout explorer. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire soit de l'exploration et jouer avec la perspective, un peu comme dans Fez, où on peut faire tourner la caméra pour découvrir ces engins en plateforme isométrique, pour découvrir ce qu'il y a caché derrière un mur avec des petites aberrations de perspective. Soit on décide de faire un speedrun et on utilise la perspective un peu comme les gravures de Escher pour trouver des raccourcis et essayer de finir le plus vite possible. Donc si vous avez une âme d'explorateur qui veut faire un truc tranquille, n'hésitez pas. Et si vous êtes plutôt un speedrunner qui veut essayer de trouver tous les glitches, tous les bugs, toutes les moyens de finir un niveau super vite, il n'y a pas de souci, la plupart des niveaux sont faisables en moins de 15 secondes. Voilà, ah c'est ouais, ce que ah j'allais te demander. Aujourd'hui, en speedrun, vous êtes à peu près sur combien vous êtes sur combien? Quel est le temps de référence aujourd'hui? Alors, c'est écrit pour chaque niveau à la pour fin. Chaque il y a, niveau, il y a d'accord. Une sorte de médaille à débloquer si on est un speedrunner ou pas. D'accord. Et je crois que les plus rapides, c'est 6-7 secondes. Ouais. Alors j'ai essayé justement de quand jouer. Je vais dire ça à ma femme. Alors tu j'ai vois essayé, au final je tiens longtemps hein. Ah ouais, tu vois, j'ai essayé de jouer justement sans changer la perspective, de garder la perspective de base sans changer l'angle de caméra. Et enfin il y a des moments où tu te dis merde, ton cerveau te joue des tours parce que tu te dis le truc il est juste en dessous, tu sautes et tu tombes dans le vide, et en fait le truc il est vachement plus loin. Donc c'est marrant aussi de jouer juste avec la perspective de base, parce que ça te permet de calculer, tu te dis bon alors si je suis tombé tout à l'heure comme ça, est-ce que je peux, bon après c'est le côté du mec qui veut se casser la tête quoi. Exactement. Mais c'est pas mal le concept de la perspective qui te demande d'étudier chaque angle, c'est bien pensé, c'est cool. C'est sadique en plus. C'est sadique, c'est plus marrant à faire. Ouais. Ouais, c'est clair. Tiens, on fait un bisou à Malox qui nous fait salut l'équipe. Salut. Allez, Malox. Salut Malox. Et donc dans l'idée, actuellement, vous bossez sur un autre jeu. Exactement. Donc qui se nomme Orphan Age. Yes. Ah mais attends, ça me dit quelque chose ça. Tu confonds pas avec Orphan Black, la série de Netflix? Non. Qui est très bien d'ailleurs. Qui au passage. Génial. Faudrait peut-être qu'il commence à mettre plus de saisons aussi. Ouais. Bon, je ferai un billet dessus. Très bien. Ça marche. Mais ouais, Orphan Age, ça me dit quelque chose. Il y a eu des infos qui sont passées sur internet ou on ça reste encore une image pour le 1er d'avril pour faire croire que c'était faux, mais en fait c'était vrai. Oui, vous c'est avez ça. Fait un faux leak. C'est ça. Exactement. Que j'ai vu sur internet, d'accord, je crois. Bien vu. Et c'est quoi cette image? Parce que je me honnêtement je me rappelle plus. Dans une ville futuriste à moitié avec des révoltes derrière, on voit qu'il y a des flics qui se battent contre des mecs. Oui. Et il y a trois gosses avec des flingues et des balles de baseball passer le qui truc, sont devant et qui défient un peu la caméra et qui disent on va vous foutre sur la gueule. Ah mais c'est sur les manifs de sur la loi du travail alors le jeu, c'est ça? Tout à fait, parce que là c'est des enfants de 7-8 ans quoi. Ah oui. C'est ça mais à la crèche. Ils veulent du rab à la cantine. C'est de la purée en plus. C'est la révolte Teletubbies. Ah bien vu. Voilà. Pas mal. Et donc ce jeu il est prévu pour quand? Dans l'année. No comment. Non en fait on va essayer de faire une version jouable le plus vite possible. Et comme c'est un jeu de gestion, simulation, on va sûrement faire de l'early access parce que ça vaut le coup de le construire avec les, avec les joueurs. Yes. Donc on va essayer de se caler pour la fin de l'été, avoir déjà quelque chose de jouable publiquement pour que tout le monde puisse venir s'éclater avec nous et nous aider à faire le meilleur jeu possible. Si vous voulez un retour bêta test, hein. Oui, carrément. Ouais, carrément. Carrément. Moi aussi, hein. Pas de problème. j'ai fait Evoland, je peux faire votre jeu. Ouais, carrément. Et du coup, on va s'intéresser un peu à la vie au sein d'un studio indé. Comment ça se passe? Vous êtes combien déjà? Alors en ce moment on est deux à temps plein et il y a trois freelances à côté. D'accord. Ouais. Parce que toi c'est ton vrai job, enfin c'est tout ton fait. Voilà à temps plein. Tu as envie quoi? Bien sûr. Ok. Parce que voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que il n'y a pas que des gros studios qui bossent sur des jeux, et souvent il y a des petits studios. À Bordeaux, en plus, on est, enfin voilà, il y a quand même une belle niche. Ouais. On est la troisième ville de France, je pense, en termes de jeux vidéo. Et je pense qu'il y a à peu près 40 structures, 40 boîtes qui font du jeu vidéo autour de Bordeaux. Ouais. 40 ? Ouais, une quarantaine. Ouais, à peu près. On va s'échanger les carnets de contact aussi. Ah oui. Ouais, non mais carrément. C'est après, ouf, si ils veulent venir dans l'émission, enfin, il y a aucun problème. Juste depuis le début de l'année, je crois qu'il y a 3 studios qui ont été créés à Bordeaux. Ah ouais, depuis tu vois. Le début de l'année. Qui sont en cours de création, en tout cas. Mais on va devenir la capitale, hein, je pense. Il y a intérêt, il y a intérêt. Mais c'est, enfin, c'est les bruits qui courent, quoi. Que Bordeaux deviendrait la capitale. C'était le moment chauvin, le moment 100% bordelais. Ouais, carrément. Voilà. Ouais, on embrasse tous ceux qui nous écoutent de toute la France. À Paris bientôt, ce sera la Bordeaux Games Week. Non, je ne vais pas dire la capitale française, mais vraiment la capitale en termes de jeux vidéo. Je pense que Bordeaux aujourd'hui va être très très bien représenté. On n'est pas encore au niveau de Paris ou de Lyon. On est à peu près au niveau de Lille. Voilà, en termes de production. Et Tourcoing. On est au-dessus de Tourcoing. Yes, et donc comment ça se passe? Alors pour créer un jeu vidéo, toi, vu que vous êtes deux, par exemple le jeu qui est en cours là, ça se passe comment? Toi t'arrives avec une idée, tu l'as dit à ton collègue, lui il avait déjà une idée, comment ça se passe? Comment vous bossez? Vous vous retrouvez tous les deux dans un bar autour d'un demi? En plus il fait de la bière, mon collègue, ce qui est pratique. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Mais sans alcool la fête est plus molle, je suis d'accord. Tout à fait. Alors là pour le coup ce jeu là c'est un peu mon Vietnam personnel. J'ai commencé à bosser dessus je crois en 2009 et dans un studio qui allait pas très bien, on faisait que des projets pourris, des commandes pour des éditeurs, on faisait des jeux pour des musiciens de Sony Music mais des gens très très nuls. Bon, je vais pas dire les noms, pas je viens de dire qu'ils étaient nuls à chier. On les embrasse. Passent à la radio. Ils se connaissent. Et on avait vraiment plus de morale dans l'équipe. On voulait tous faire du vrai jeu vidéo. On faisait que de la merde. Et en gros, il y a une partie de l'équipe qui a fait bon, ben voilà, dans un mois, si on n'a pas un projet cool, on se barre. Alors je fais ok, on se voit mercredi prochain. Je vous présente un projet. J'ai bossé comme un ouf pendant une semaine. Et je leur présente un projet. Ils font tous super génial. On fait un dossier pour essayer d'avoir des financements. Parce que c'est le problème quand on fait du jeu vidéo. C'est qu'on va bosser dessus pendant peut-être 2 ans. Et c'est au bout de 2 ans qu'on fait de l'argent. Et ouais, voilà. Alors, avec les ventes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se payer alors qu'on n'a pas un produit vendable, qu'on peut rien faire? C'est ce qu'il faut expliquer aux auditeurs. C'est qu'un petit studio, souvent, il y a une mise de départ. Ça vous sert à vivre, à créer ce jeu. Et le jeu, s'il sort et qu'il marche pas, ben, souvent, c'est triste, mais c'est la clé sous la porte, quoi. Et ouais. Et bah oui c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de d'airbag. Et oui clairement, il y a pas de filet quoi, ouais, carrément. Ouais. Et donc on a fait un super dossier pour essayer d'avoir des financements. Les financements on les a eus, mais entre-temps. Et donc les financements tu les demandes à qui? C'est con mais à l'État? Ouais, c'est à l'État. On a fait un dossier auprès du CNC, donc c'est le Centre National de la Cinématographie. Le jeu vidéo est rattaché au cinéma. Ouais. En France. Et donc c'est un gros dossier qu'on a dû faire. Je pense que c'était peut-être 150 pages qu'on a envoyé. Ouais, ça a été un gros mois de crunch où on a bossé comme des fous furieux. Ouais, ils prêtent pas comme ça, quoi. Bah, c'est normal en même temps. Oui, non, clairement. Ils vont pas donner du fric au mec qui fait hey, salut. Enfin, ils le font au Canada, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Canada est un peu plus souple au niveau des prêts. Ils sont même beaucoup plus généreux. Au Canada, il y a des studios qui arrivent à faire financer 115% de leur budget. Wow. Ah ouais. ceux dont ils ont besoin. Ils se sont payés le ticket resto et tout là-bas. Exactement. Attention. Et puis il n'y a pas de limite quoi sur les financements. En France c'est 200 000 euros tous les 3 ans. Enfin en gros il y a un budget de 200 000 euros. Et justement on va en parler de ça. Parce que tu dis 200 000 euros c'est quand même une somme. Mais par curiosité comme ça, combien ça coûte de créer un jeu indé? Supposons. Sans compter votre salaire et le resto tous les midis. Hein. Le truc qui est cool avec le jeu vidéo, ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas assez. Pour le coup, je vais parler d'économie, c'est pas forcément le truc le plus fun, mais bon. Non, mais moi ça m'intéresse. Partie, hein. Oui, clairement. Le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo indépendant, c'est une économie qui est vachement saine. Parce que une fois qu'on a acheté nos PC, qu'on a nos logiciels, mais la plupart sont gratuits, enfin l'Unreal Engine est venu gratuit, le Cry Engine est gratuit, Unity est gratuit. Et il y a des logiciels comme Blender, comme Krita, qui permet de faire de la 2D, de la 3D, qui sont gratuits. Houdini pour les FX, c'est passé gratuit, etc. Bref, on a besoin que d'électricité, d'internet. Que des charges, en fait. Ouais. Et d'imagination. Voilà. 80% du budget d'un studio, ça va probablement être les salaires. Le reste, ça va être le marketing, aller à un salon, des choses comme ça. La communication, peut-être, aussi. Exactement. Derrière. Ouais, mais nous, c'est la même. C'est ce qui nous coûte le plus cher, faire la pub, quoi. Bien sûr. Clairement. Mais 80% du budget, c'est les salaires. Ce qui se passe, c'est que les Français sont pas forcément super friands de jeux indés. Ils aiment bien les grosses, les triple A, gros triple A. Ouais, ouais. C'est dommage. Ben, ça viendra de toute façon, vu la qualité des, oui, des line-up sur les dernières consoles, qui sont vraiment, je crois que c'est la génération de consoles la plus pauvre encore en termes, oui, de, non, de gros jeux. C'est un peu triste. Les gens vont basculer sur le jeu indé parce qu'ils auront que ça à jouer. Bref, en tout cas, la plupart des studios font au moins 2/3 de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ce qui signifie que on prend de l'argent à l'étranger, on le ramène en France, et ça finance des salaires sur des emplois de qualité, où les gens sont heureux, où ils sont pas exploités, ou alors, s'ils sont exploités, c'est parce que eux-mêmes ont choisi d'être exploités, parce qu'on est des passionnés, voire même des obsédés de la création de jeux vidéo, pour s'en empêcher. Et c'est pour ça que c'est une industrie qui est vachement, vachement saine, quoi. Parce qu'on amène de l'argent de l'étranger, donc on pique pas de l'argent à d'autres boîtes ou je sais pas quoi. On peut s'entraider entre studios, parce que c'est pas parce qu'on est 20 studios à Bordeaux ou 40 studios à Bordeaux qu'on se pique les joueurs bordelais. En fait, il y a personne qui ne vit que sur des joueurs bordelais. On fait plus de ventes en Corée qu'en France avec Irmin Soul, le dernier jeu qu'on a sorti par exemple. Oui, d'ailleurs, je voulais qu'on aille dessus parce qu'on en a pas parlé de Irmin Soul. Donc je voulais peut-être que t'en parles un peu parce que c'est quand même le gros jeu que vous avez sorti. On va peut-être finir avec la question de comment ça marche dans un studio. Oui, vas-y. Et puis ensuite on passe sur Irmin Soul si c'est bon. Voilà, donc pour le coup pour Orphanage, c'était un projet qui est venu il y a super longtemps. On a fait un dossier de financement, l'argent devait arriver, on avait une super équipe, on avait un super projet, toutes les étoiles étaient alignées. Et il y a eu un problème dans le studio, il y a un client qui a annulé une grosse commande, du coup il n'y avait plus du tout d'argent le temps que les financements arrivent, parce que c'est très très long, il faut attendre 2-3 mois avant que la commission se réunisse, et une fois que ça se réunit, il faut attendre 2 à 4 mois pour recevoir l'argent. Et en fait, bah, pendant ces 8 mois, il n'y avait plus du tout de trésorerie dans la boîte, les salaires ne pouvaient plus être payés, et la boîte est morte, avant que l'argent arrive. Et comme la boîte était en liquidation, c'était pas le gérant de du studio qui s'occupait de gérer les droits, etc. C'était un liquidateur judiciaire qui voulait revendre les droits, tout ça. Et j'ai mis je sais pas combien d'années à récupérer les droits sur ce projet que j'ai récupéré. Mais comme il avait déjà été accepté dans un système de financement de l'État, je pouvais pas le reproposer. Donc j'en ai fait une nouvelle version qui a été acceptée, dont le dossier de financement a été accepté aussi. Et dont la production a été lancée il y a quelques mois et dont les premières images sont sorties cette semaine. Ok, voilà. Bah, chapeau pour tout ça. Bravo. Ouais, c'est mon parcours du combattant, mais voilà. C'était ta guerre. Et c'est que le début. Non, mais c'est bon de savoir un petit peu les dessous. Voilà, c'est exactement quand ça. Quand on joue à un jeu, on dit ah ouais. Et des fois, on a un jugement un peu trop hâtif. Des fois, on se dit ah ouais, bon, non. C'est facile de critiquer. C'est facile de critiquer, mais quand on sait que tout ce qui, voilà, il y a en dessous. Voilà, on y réfléchit à deux fois. Ouais, surtout voilà, surtout dans les studios indés, c'est vraiment des passionnés. Oui. Ouais, c'est un investissement de temps et financier, mais voilà, énormément de temps. Quoi. Pour être un vrai passionné dans la vie, je sais ce que c'est et t'endors pas, enfin voilà. Exactement. Quoi. Je sais, moi ça me bouffe la santé, tu vois, c'est un truc de dingue quoi, ça m'obsède. Je parle de son chat Jacob, bien sûr. Je parle de mon chat, bien sûr. Voilà, il est passionné de son chat Jacob. Non non, mais clairement, et du coup c'est on se rend pas compte, mais c'est enfin voilà, c'est un truc de dingue quoi. C'est un peu la vie d'artiste quoi. C'est vrai, la vie de bohème. Et Irmin Soul alors. Oui, alors vas-y, ce jeu. Voilà, ce jeu. Alors, j'ai vu la bande-annonce et moi, voilà, alors, il y a beaucoup de questions. Pour les auditeurs qui ne parlent pas anglais, c'est pas un jeu où c'est une Hermine qui est saoul. Non. C'est en fait, on incarne une Hermine et est bourrée. Mycorn ou Jack. Madame Odildare. Alors, Irmin Soul. J'ai jamais réussi à trouver un moyen d'expliquer ce jeu. Ah. On a fait intervenir des spécialistes, com. Des américains. Il y a personne qui arrive à décrire ce jeu en une phrase. L'idée, c'est que c'est un tower defense persistant. En gros, on a un wargame sur une carte stratégique où on peut, en tour par tour, attaquer, défendre, faire des recherches, développer son empire. Et chaque bataille, elle prend la forme d'un tower defense. Sauf que l'univers est persistant, donc quand je construis une tour sur une carte, sur une île, eh bien, elle va y rester. Et si jamais les ennemis viennent me rattaquer à cet endroit, ce que j'ai construit y reste, contrairement aux autres Tower Defense, où on recommence éternellement le même niveau à zéro, et tout ce qu'on a pu construire auparavant est effacé. Voilà. C'est pour ça que dans la bande-annonce, j'oscillais chez un Tower Defense, on dirait un MOBA, on dirait un Tower Defense. J'étais perdu, je savais plus à la fin, j'étais... Pareil. Voilà. Faut jouer. Voilà, c'est pour ça. Ouais, carrément. Et tiens, justement, il y a Malox qui nous demande sur Facebook, hein, n'hésitez pas à faire comme Facebook, Twitter et sur twitch.tv/lavoixdugeek, vous pouvez poser des questions et moi je lis tout en direct. Carrément. Alors le nom du studio, c'est le studio Black Flag et le nom des trois créations, dans l'ordre chronologique si tu veux. Alors on a sorti une première version d'Irmin Soul il y a 2 ans. Ensuite, on a sorti Game Over l'année dernière et on a ressorti une nouvelle super version d'Irmin Soul il y a quelques semaines. Et alors entre temps on a fait quelques autres petits projets. J'ai bossé sur un jeu vidéo pour le musée d'Aquitaine. Ah cool. Un petit truc sur plutôt pour les lycéens, collégiens sur Android. Ça me rappelle quand t'allais au CDI au collège et que tu t'appelles le jeu vidéo le DVD-ROM du Louvre. C'est ça. C'est exactement. Comme sur 3DS là, le truc qu'ils ont fait avec. Oui, le, c'est vrai. Ouais. Carrément. C'est le même principe. Alors pour le coup c'est beaucoup plus simple. D'accord. C'est tu arrives sur un objet, il y a un petit jeu qui te permet d'apprendre un petit détail sur l'histoire de. Ok. Ouais. C'est toi la musique qui passe là ? Non, malheureusement. Ah putain. Alors j'allais, ouais, dire, j'allais dire je suis trop fan. C'est SoundCloud qui tourne tout seul. Ah yes. Ouais. Okay. Je peux basculer. Tiens, hop, on va le faire en live. Ah, il y a mon téléphone à côté du pad. Hop. Ah bravo. Ouais, ah bravo. Professionnalisme. Octodad n'est plus dans mon corps ce soir. Et donc, ouais, t'étais sur Irmin Soul, désolé, je vais pas y arriver. T'étais en train de nous dire, donc, avant que ce cher internaute nous coupe, je sais plus d'ailleurs. Voilà. Que c'était entre Tower Defense. Voilà, entre Tower Defense, c'est ça. Stratégie. Avec une toute petite composante RPG et une grosse dominante narrative. Parce qu'il y a un truc du style 115 pages de BD interactive à débloquer au fur et à mesure de la campagne. On sait bien. Ah, donc il y a une campagne, ouais. Ouais, ouais, c'est une campagne. Cool. Je pense qu'il y en a, selon les joueurs, entre 8 et 15, 16 heures pour faire la campagne. Donc c'est quand même une durée de vie correcte. Tu aimes les pirates, tu aimes la stratégie. Essaye ce jeu. Et ouais, et donc c'est l'histoire d'un pirate qui a fait tout un plan pour éloigner un démon il y a bien longtemps. Et en fait, il s'est retrouvé possédé par ce démon et il s'est fait enfermer. Et par une erreur maladroite, il y a quelqu'un qui va les libérer tous les deux et il décide de partir à la conquête du monde comme si, voilà, c'était hier. Et donc, on joue le méchant. Ah, ouais. Ah yes. Oui. Et donc, le pirate, c'est toi ? C'est le personnage que l'on joue. D'accord. Voilà, qui ça, c'est cool. Dans un méchant, oui, démon, c'est totalement. C'est chouette de jouer de ce côté-là, en fait, de l'autre côté du miroir. Et je pense à ça c'est hyper rare. Il y a un jeu où on incarne un méchant. Bah, t'as par exemple des Infamous et compagnie où tu peux choisir d'être le méchant, mais on te propose pas d'y jouer dès le début. Dungeon Keeper, voilà. C'était le premier jeu qui venait, Dungeon Keeper. C'était génial. Il y a un super jeu qui arrive bientôt qui a été financé sur Kickstarter qui s'appelle Machiavilain. Qui fait par un studio parisien qui s'appelle Wild Factor, sur lequel j'ai bossé un tout petit peu, où on joue le méchant. Là, l'idée, c'est de. C'est un peu comme un Dungeon Keeper. On crée son repère, on élève des monstres, et il y a de temps en temps des visiteurs qui se perdent dans la région. Il faut réussir à les exterminer de la manière la plus atroce, et c'est sous la forme d'un jeu de management, quoi. On gère le. Il y avait un jeu aussi sur PSP, mais alors je m'en rappelle plus. C'est une phrase qui disait en anglais, oui, votre majesté, je m'en rappelle plus comment il s'appelle. C'était Overlord. Non, c'était pas Overlord, c'était un autre, mais je retrouvais le titre qui était très, très, très bien. Voilà, qui était en 2D, où il y avait des parodies de Final Fantasy, des héros qui arrivaient, et voilà. Fallait les piéger, je vous retrouverai le nom si vous êtes intéressé. Carrément. Yes, mais quelle heure il est ? Il est moins... Ouais, on a le temps, juste avant de s'écouter Bonnie Tyler. Ah, ça fait plaisir à Dandy. J'allais dire c'est l'heure de saigner des oreilles, mais pas encore. Non, il te reste 3 minutes. Non, en fait, restez sur Twitch, vous allez voir la chorégraphie de Dandy. Le disque ne me dérange pas en lui-même, c'est surtout la pub. Et le mec, quoi, qui est avec sa gueule de... Ah oui, maintenant ils ont fait la pub. De jeu Marshmallow, là... C'est saut 80, ça tâche. Ah j'adore. Ouais, à mort. C'est ça qui est bon. Bah, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, alors la musique qu'on entend en fond, c'est... Oh mon, attends, parce qu'il y a... Oh mon dieu, il y a Denis. Il y a Denis. À la finale qui nous attaque. Non mais le gars, on est en direct à la radio, faut que j'aille lui ouvrir la porte, quoi. Ah, il y a Denis, il y a une apparition fantomatique, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc, vas-y, ouais, je t'en prie, désolé. Le groupe qu'on entend, c'est Bocto, c'est un groupe très peu connu de Boston, qui va probablement faire la musique du prochain jeu, Orphanage... sur lequel on bosse. Et on se leur met. C'est pas mal. Hein. Et alors à la base on était parti dans un délire comme c'est dans un futur proche qui a un côté un peu. Enfin ce sont des enfants qui survivent dans une guerre civile futuriste en fait. Voilà. Et on voulait une musique qui fasse un peu futuriste mais qui s'éloigne un peu des Blade Runner. Donc à la base on était parti sur quelque chose de très Outrun, Future Scent comme Carpenter Brut, Perturbator. Mm-hmm. Mais entre temps c'est devenu extrêmement populaire et on voulait faire un truc un peu plus un peu moins connu et on a découvert un style qui s'appelle la Soviet Wave. Déjà ça donne envie quoi. Soviet Wave. Et ça correspond vraiment à l'état d'esprit du jeu, quelque chose de très industriel, très urbain, très sombre. Les compositeurs, ils ont des chapkas et tout. Ouais. Ouais. Est-ce que ça serait pas un petit peu dans l'esprit Metro 2033, je sais pas si tu connais. Il y a un peu de ça ouais, ouais. Carrément. Ouais, j'aime bien ce côté un peu soviète, pas pour rien hein, parce que ça se passe en Russie justement, mais ce côté un petit peu déchiré, brut comme ça que tu trouves dans les métros à vif quoi. Et ça c'est exactement. Ça c'est chouette. Ouais, ouais carrément, ça, carrément. C'est du bon son. Tiens, il y a Grog qui nous dit sur le chat pour une fois qu'on joue le méchant dès le début, ça a le mérite de m'intéresser. Alors il oubliait des mots mais je reconstruis un petit peu sa phrase. Je pense que c'est ça qu'il a voulu nous dire. C'est sur Steam, PC, Mac, Linux. Yes. Ok. Bah, de toute façon, on en reparlera encore un petit peu avant le disque. Ouh, je suis tout excité de le lancer. Alors, attention, les gars, on danse. Alors là, on passe de la Soviet Wave à quelque chose. On danse pour la communauté Twitch. Ah, non, non, ah ouais, non, mais alors attends. Il va falloir s'échauffer les guiboles. Bonnie Tyler, c'est un morceau des années 80. Il est dans un Just Dance, il me semble. Oui, on l'avait fait ensemble. Il est aussi, alors, la petite vidéo What the Fuck à regarder, c'est Footloose. Pour ceux qui l'avaient pas vu, la course de tracteur avec Kevin Bacon qui, sur cette musique, mais voilà, c'est un mec. Course de tracteur. C'est un souvenir d'enfance qui a beaucoup marqué. Tiens d'ailleurs on parle de ça années 80, il y a Kung Fury qui est disponible sur Netflix. Ah ouais? Ouais, j'ai vu. Ah génial. Ça a été mis à jour. Cool. Carrément, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Allez les 20h, vous écoutez toujours la voix du geek sur Eau de Radio. On revient juste après Bonnie Tyler pour le test de Trackmania Turbo et on va parler de Mitomo aussi, c'est ça? Voilà. Oh, oui. Yes. Génial. Allez les 20h, vous écoutez toujours la voix du geek, nous on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3, 91.3. I pray the mountains meet the heavens above. Eau de radio, écoutez Eau de radio, écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour dans la voix du geek, toujours en direct sur Eau de radio. Et vu qu'on est des mecs sympas, on s'envoie à 15 secondes de Rick Ashley. Voilà, point trop d'info. Alors, j'ai fait une casserole pendant le scud. Il est chaud, Dandy. Il est chaud, J'ai fait une casserole pendant le scud. C'est dû à toutes ces annotations de merde qu'il y a sur les vidéos YouTube. J'ai voulu en enlever une et ça m'a fait la blague quand tu t'approches, tu sais, la croix décale. Ah oui. Tu sais, comme quand tu veux fermer les pubs sur smartphone, où tu dis, tu cliques, tu prends ta respiration, au moment où tu mets ton doigt, la croix, elle bouge. Ça, c'est encore un truc de développeur, ça. Exactement. Ça, c'est un truc pour faire chier le monde, ça. C'est un peu ça. Allez, on va parler de Trackmania un petit peu. On va se balancer une petite bande son, à faire le tour du propriétaire, et on va vous dire ce qu'on en a pensé. Que je retrouve mes fiches. Hop, je remets le chat devant moi. Ah, on a eu un follow. Merci, mille doudou. Yeah. Oh, tu as débloqué le poète de la muerte. Ça veut dire que t'es quelqu'un qu'on a, ou que tu, ouais, ou pas, ou si t'es une fille, bah, bon, bref. On t'enverra des croquettes à la taurine. Je sais pas comment me sortir de ça. Donc Trackmania, c'est édité par Nadeo, c'est développé par Ubisoft, c'est sorti le 24 mars 2016, c'est un jeu de course et c'est déconseillé au moins de 3 ans. Trackmania Turbo. Trackmania Turbo. Eh oui, exactement. Si on a eu plusieurs. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous en parler? Est-ce que tu veux nous parler de l'histoire? Alors, bien sûr, à chaque fois il me fait le coup, tu sais. Dès qu'il y a un jeu qui a une histoire de merde. Alors, Dandy. Voilà, Trackmania Turbo, bon, comme ses prédécesseurs, est un jeu de bagnole, on va dire, de F1 plus ou moins customisable. Ça dépend sur console, PC, bon voilà. Où on peut aller du simple jeu de course basique où on évite des obstacles, où on doit faire le meilleur temps. Où on peut aller sur des circuits un petit peu de folie avec des loopings à l'envers, des sauts, des trucs où en fait tu dois faire le parcours à l'envers. Enfin voilà, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. On crée ce qui fait l'atout de ce jeu-là en fait, c'est de pouvoir créer des pistes. Et ouais. Parce que c'est cette créativité-là qui permet d'avoir des pistes de malade. Et la communauté sur PC, donc des anciens Trackmania, était juste hallucinante. Ouais. Et c'est ça en fait qui fait l'atout d'un bon Trackmania. Donc on le dira tout à l'heure, mais c'est vrai. Qu'un Trackmania dès sa sortie, c'est pas forcément hyper intéressant en fait. Faut attendre un bon moment avant que ça se développe. Ouais, alors il y a tout un tas de modes de jeu. Il y a un mode carrière qu'on fait tout seul. Il y a une tripotée de pistes. Il y a un mode multi évidemment qui est hyper joué en e-sport. Je pense que celui-là va y passer aussi, c'est évident. Il y a un mode assez rigolo. On peut jouer à deux et il y en a un qui a le volant et l'autre les pédales. C'est un peu l'idée. Non. Non, on conduit parfaitement la bagnole, sauf que en fait c'est une moyenne entre les contrôles des deux joueurs. Donc il faut que les deux tournent un peu, mais pas trop, sinon on part totalement dans le décor. Il faut que les deux accélèrent quand on est à pleine vitesse. Eh ben ça va être un grand moment. Ça va être chaud. Yes. Alors après voilà, il y a pas mal de décors et tout. Moi, alors attendez, parce que sur le chat, c'est en train de se foutre de ma gueule. Il y a Ishok qu'on embrasse qui fait ah ouais, l'Infernal a bien raté sa barbe. Grog qui fait, il s'ennuyait surtout, donc il a raccourci au fur et à mesure qu'il pouvait plus stream. Vivement demain qu'il arrête ce massacre. C'est un peu ça. Alors j'espère que demain je vais pouvoir lancer un stream. On fera un test niveau qualité. Bon bref, si demain ça remarche, mais je stream la journée et la nuit quoi. Ça va être un truc de ouf quoi. Vous allez en bouffer, c'est moi qui vous le dis quoi. Bref, non, moi Trackmania, il y a un truc qui me dérange, il y en a même deux. Il y a un truc qui me fait halluciner, c'est que les courses durent 20 secondes. Ouais. Ben parce que justement, tu es sur les maps officielles et t'as pas les gros fous de la life qui ont sorti des maps qui font 5 minutes. Alors j'ai Denis avec moi en régie et je crois qu'il est tuberculeux quoi. Ah oui, il a des patates qui tombent des mains là. Il perd ses doigts. Mon Dieu. Mais sur le générateur aléatoire de course, il y a possibilité d'avoir des courses générées qui sont assez longues. Ouais. Ouais. Parce que alors c'est ça ou c'est des pistes qui sont très courtes. Alors tu vois tout de suite le où ils veulent en venir en fait. Ils veulent que tu fasses du c'est un jeu de comment on appelle ça du timing, time attack ouais, où quoi, il faut que tu ailles à la recherche de la trajectoire la plus parfaite. Ah ouais. Et sinon, c'est un autre mode où t'es 130 quoi. Alors heureusement, Dieu merci, tes petits camarades sont transparents donc tu te rentres pas dedans. Et c'est des courses hallucinantes, tu te retrouves dans les airs. Enfin, moi, avant de trouver la route, franchement, j'y arrive pas, quoi. Ah, ben c'est chaud. C'est chaud. Et alors après, voilà, normalement, je pense que ça va venir au fur et à mesure, mais tu as soit les time attack, tu as aussi les courses d'obstacles, c'est-à-dire que tu vas avoir... Là, ça y était pas, hein, dans ce que j'ai pu jouer, dans ce que tu as joué aussi. Ouais. Ça y était pas encore, mais sur les circuits, normalement, tu as des espèces de pylônes en plein milieu de la route qui viennent t'emmerder. Ça va me plaire, ça. Ou des trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire que même là, t'es obligé de slalomer entre les trucs à toute vitesse. Il suffit que le mec soit un petit peu salaud, il te met un turbo juste avant, donc t'arrives en plein turbo dans une forêt de poteaux parsemés au milieu de la route, donc ça c'est bien chaud. Et sinon après il y a le côté un peu plus freestyle où effectivement là t'es plus sur du j'allais dire de la course plateforme où le mec peut te mettre plein de morceaux de route un peu en bordel et c'est presque toi en fait qui décide la façon dont tu vas terminer ta course. Il met plusieurs sorties différentes, plusieurs passages possibles et en fait tout le monde se débrouille comme il veut quoi. Et ça c'est un peu plus sympa parce que t'es un peu en mode découverte et c'est un peu plus technique parce que t'as des trucs qui se chevauchent, t'as des espèces de galipettes à faire. Ça c'est cool, mais voilà, pour le moment ce Trackmania là sur console ne le propose pas. Alors peut-être que sur PC c'est déjà le cas, je sais pas. Tu l'as fait sur console aussi, ouais. Alors voilà, il y a des séquences qui sont hallucinantes où t'as 80 personnes qui foncent dans le même mur en même temps, quoi. Ah merde, attends, t'as tout le monde qui fait des qui fait des manœuvres et tout, tu sais, pour. Ouais. C'est assez tendu quand même. Moi, je sais pas si je vais accrocher très longtemps, sincèrement. Alors c'est spécial. Hein. Après, moi, j'avoue que il y a quelques années, donc ma première année de fac, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai passé des nuits blanches sur Trackmania. Sur ouais. PC. Donc c'est te dire à quel point ça pouvait être cool, mais parce que c'était pas ce même rendu là, c'était des cartes beaucoup plus longues. Je me rappelle, on était avec mes deux autres colocs, on était tous allongés sur mon lit, chacun avec notre PC, et on a passé la nuit les yeux explosés sur l'écran à jouer à Trackmania. Mais voilà, c'était cool. On avait un petit challenge aussi à côté. Ouais, je t'ai grillé, j'ai fait un meilleur temps que toi. Après voilà, clairement si vous aimez les jeux de bagnole, mais que vous êtes pas hyper fan non plus du timing. Voilà, qu'est-ce qu'apporte timing. Ce Trackmania Turbo par rapport c'est du défi clairement le but celui c'est de qui défier sorti, quoi. Qui est sorti sur PC il y a des années, c'est ça. J'ai joué à la bêta, moi j'avais l'impression de retrouver le Trackmania qui était avant, mais ouais, moins plus bien. Beau. Mais voilà, j'ai déjà joué à Trackmania, donc pourquoi rejouer un Trackmania s'ils apportent rien pour de nouveau, à part le mode A2 qui est complètement what the fuck. Mais... Bah, c'est pour console, parce que jusque là c'était PC et la communauté PC qui avait. Pas, voilà. Ouais, et puis tous les jeux consoles sont devenus des jeux solo, parce que pour pousser les graphismes à fond sur des bécanes Xbox One ou PS4 qui sont vraiment super faibles, ils peuvent pas rendre deux caméras en même temps, il y a pas de split screen, donc ouais. Tu peux jouer à plusieurs, mais c'est seulement online. Il ouais. Y a plus de Là il y a un mode en écran splitté à 4. On peut jouer à 4, ouais. On peut faire un système aussi où on peut jouer à 8 avec les équipes qui se succèdent et tout. Et comme jeu qui permet de jouer sur son canapé avec des potes sur les nouvelles consoles en jeu de bagnole, je crois qu'il y a que ça. Alors ils sont assez rares pour être soulignés ces jeux. Mmh. Hein. Ouais. Donc ouais, quelque part ça peut être un bon compromis pour voilà, si vous êtes en apéro ou quoi, vous voulez jouer à 4 ouais. Moi ce qui me bloque c'est ces courses qui sont très courtes quoi. Ouais. Alors elles sont hyper fofolles, il y a des loopings, il y a tout un tas de délires. Mais putain, c'est 3 2 1, on te lâche sur la piste. Faut imaginer 10 15 secondes ligne d'arrivée. Mais oui, mais voilà, ça c'est les premières courses. C'est les premières voilà. courses, c'est les circuits qui te sont proposés dans le mode campagne. Donc forcément, après ça monte crescendo, t'as des trucs plus ou moins durs. Il faut savoir aussi que les serveurs sur lesquels tu vas, bon, il y en a des officiels de Nadeo, mais il y en a aussi beaucoup créés par les joueurs. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre serveur où après ils décident de prendre des pistes déjà créées de la campagne et ils les mettent dedans parce que c'est leur map favorite et ils aiment bien jouer dessus. Donc malheureusement, si le mec décide à chaque fois de prendre des time attack et qui durent 15 secondes sur les serveurs, t'auras que des maps qui font 15 secondes. D'autant plus que les temps de chargement sont super. Ah ouais, sur console, c'est hallucinant. Ouais. Ouais, clairement. Parce qu'après le jeu est plutôt joli même, c'est très coloré. Ouais, c'est pas foufou. Bon, c'est pas la folie, mais quand même quoi. Bah, disons que c'est sympa, ça propose, ça avait le mérite de proposer, ben à l'époque comme ils avaient fait sur PC, il y avait juste un Trackmania, Nation United, qui se passait dans un stade. Voilà, il y avait juste ça. Et après ils ont sorti plusieurs. Il y a eu Trackmania, c'est Canyon ou Valley, je sais plus. Je crois que c'était Canyon. Canyon, qui se passait dans le Grand Canyon. Dans un canyon. Voilà. C'est la Trackmania Sunrise aussi. C'est la bande son qu'on est en train d'écouter là. Voilà, il y avait Sunrise et il y en avait un autre. Il y en avait quatre qui correspondent justement, on va dire aux quatre environnements qui sont possibles de retrouver dans celui-là. Donc en fait, on a un gros mix, un best-of, voilà, de ce qui existait avant. Mais clairement, voilà, pour un jeu comme ça, attendez que la communauté prenne bien le jeu en main, que les pistes se fassent, parce que c'est là où ça devient le plus marrant en fait. Clairement, il joue un petit peu. Ah, c'est moi. Hop, c'est bon. J'ai débranché mon casque en fait. Il saute un peu avec mes gros doigts velus. Mais il joue un peu la carte de la communauté, un peu comme Little Big Planet et tout. C'est quoi. Ça. Ouais. C'est un petit peu aussi pour les joueurs. De Counter-Strike, ils comprendront. Counter-Strike avait les maps de base et il y a eu plein de modeurs qui ont fait plein de maps après. Il y avait des maps surf, des maps escape, des maps zombies, et en fait le jeu a eu mais plein de modes. Oula. C'est moi ou ça? Non, c'est le casque qui Ah OK. Et il y a eu plein de maps, plein de modes de jeu qui sont sortis disponibles, mais grâce à la communauté et pas parce que les développeurs du jeu ont dit on va faire ça. Donc voilà, ce sont Counter-Strike comme Trackmania et comme d'autres, des jeux qui ont besoin d'une communauté pour vivre et pour grandir, et malheureusement ça se fait pas dès la sortie du jeu quoi. En gros, c'est un peu, en plus il a petit prix là, 35€ je crois. Ouais. C'est un petit peu, tiens, il y a un commentaire intéressant, je vais lire juste après, mais il joue un petit peu la carte du nous on vous sort un jeu dedans, vous avez tous les outils pour pouvoir créer ce que vous voulez. Nous, à côté de ça, on crée une petite campagne avec, je suis sûr, des pistes qui sont créées aléatoirement pour vous donner des idées, et ensuite à vous de vous éclater avec quoi. C'est un peu ce que je ressens moi. C'est très bac à sable. Je crois aussi que la musique est procédurale. En tout cas, elle est nulle. Mais c'est clair. Il y a plein de choses qui sont. Enfin, on peut aller sur le générateur et on le voit construire une carte juste pour nous, aléatoire, qu'on peut sauvegarder ou pas. Ça, là-dessus, c'est quelque chose sur lequel ils ont fait un énorme boulot, faire que le jeu se régénère tout seul, quoi, et propose un contenu quasiment infini. Par contre, ouais, autant attendre les soldes d'été, à moins que vous ayez besoin urgent de jouer avec vos potes sur votre canapé. Voilà. Parce que ouais non voilà, bah je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous voulez rajouter quelque chose, mais voilà, moi c'est un moi j'aurais bien aimé faire le titre, mais j'avais pas bien compris quand tu nous avais dit la semaine prochaine on fait Trackmania. Moi j'ai compris pour la semaine prochaine, fais-nous un truc sur Crackmania. Et du coup je suis pas parti dans le délire du jeu, moi j'étais complètement sur autre chose. Crackmania. Crackmania, ouais. Et ça fait pas le même effet. Mais c'est quoi Crackmania? Tu viens de plomber ma vanne. Il avait de la poudre plein le nez, tu vois. Ah putain, ouais, mais moi je suis premier degré de ouf là. Tiens, il y a Grog qui nous dit ça me rappelle un peu le vieux jeu disquette Stunt Car où la course pouvait être très rapide, il suffisait que tu contournes le drapeau de départ pour atteindre l'arrivée. Ouais. Et qui avait un éditeur de cartes aussi. Yes. Oui. Et salut à toi The O dans la radio, il s'appelle. Eh ben salut à toi, welcome. Et on personne n'a eu dans l'idée de nous mettre au goût du jour un petit Destruction Derby, de remettre ça un petit peu. C'était ma news que je m'étais noté il y a 2 semaines, je crois. Il y a un jeu, alors sur Steam, Greenlight, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle The Next Car Game, et qui est un jeu justement en arène, où par contre là c'est du HD. Il y a pas que de l'arène, je crois que ça peut se jouer aussi dans semi-ouvert, où t'as des bagnoles, mais voilà, actuelles avec des graphismes récents. Et tu te défonces la gueule en fonçant dans les pare-chocs. Si les gros éditeurs ne le font pas, les jeux indépendants le feront pour toi. N'hésitez pas à regarder. Ça c'est chouette. Next Car Game, c'est sur Steam, donc pour PC. Malheureusement, c'est pas sur console. Alors peut-être que si ça vient à marcher sur Steam, pourquoi pas un portage. Parce qu'il y avait un jeu dans l'esprit que j'aimais bien moi, c'était Flatout. Ah oui, Flatout. Ouais, et ils devaient pas en sortir un là. Ils en parlaient fut un temps. J'ai pas eu de news. C'était pas un nouveau Carmageddon, un truc comme ça. Ah oui, Carmageddon, je crois. Alors Carmageddon, c'est sorti, mais je crois que Flatout. Et il y a un autre jeu. J'ai presque honte de le dire, mais moi, j'ai fait les deux. Alors c'était sur. Attends, il y en avait un. Non, il y en avait deux sur PS2 et un sur PS3. C'était Stuntman. Ah oui. Où t'incarnais un cascadeur. C'est le cascadeur. Oui, je l'ai fait, mais j'ai pas. Ouais, toi t'as trouvé qu'il était. Ah, j'ai trouvé, mais ça me rendait dingue. Tu conduisais le comment on appelle ça. Alors, ça reprenait des scènes connues de films, ouais. Et t'avais le sidecar, voilà, d'Indiana Jones. Dans la dernière croisade là. Et il était juste ouf ce passage à faire. Et oui, c'était mais grave, hyper dur. Fallait slalom entre des colonnes et tout. Mais c'était un truc de malade. Et puis dans le dernier épisode, tu remontais jusqu'à Batman et tu conduisais la moto de Batman, ah, yes. L'espèce de monster truck des frères Duke de Sheriff et moi peur. Sheriff et moi peur. Il y avait voilà, tu revivais des scènes comme ça en tant que cascadeur. Et donc franchement, c'était terrible, Stuntman. Il y a aussi un revival de Road Rash pour ceux qui ont joué sur Mega Drive, qui en early access sur Steam. Je sais plus comment il s'appelle. Mais j'y ai pas mal joué. Il est un peu buggé pour l'instant, mais il y a des trucs totalement débiles. Yes. Bon bah voilà, il y a de quoi faire quand même un petit peu en jeu comme ça. Mais Trackmania, je sais pas. Moi, je vais le garder. Et puis j'attendrai un peu. J'attendrai. On verra quoi. Il y a The O dans la radio. On est à Bordeaux, mon poulet. Il nous demande où on est en Aquitaine. Okay. On est à Bordeaux. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de Mitomo? Bien sûr. Mitomo. Alors, j'ai envie de dire Mitomo. Qu'est-ce que c'est? Et c'est pas une insulte, hein. Non, et j'ai du dossier, et ça c'est génial. Est-ce que on va trouver un système pour que tu nous fasses écouter Oui, mais alors là, je sais pas si on pourra le faire tout de suite. Les voix d'Emmy, c'est ça? Ouais. Voilà. Ben là, oui, il faut un casque et tout. Donc. Ok, je vais me démerder. Voilà, on va essayer de faire. Donc, c'est moi qui m'y colle, puisque en tant que fanboy de Nintendo, je me dois de vous présenter la première application Wii de Nintendo sur smartphone. Sorti depuis le 31 mars, je vais bien sûr parler de Mitomo. Alors, il y a mon ami Dandy qui est à côté de moi qui l'a testé aussi, donc il pourra aussi en parler. C'est le premier réseau social donc de Nintendo où donc tu crées ton Mi. C'était Miiverse. Ah oui. Ah attention. Oui oui c'est vrai. Spécialiste c'est Nintendo. Vrai. Attention. Oui oui attention Miiverse, mais j'ai tellement voilà c'était non, tellement un clone de Facebook que j'ai un peu oublié. Et du coup on est amis donc. Je tiens à saluer Aiki qui a gueulé sur la personnalisation du Mi. C'est toujours la même depuis le lancement de la Wii ouais. De 2006. Très pauvre. C'est-à-dire que c'est très pauvre. Donc la création du personnage, c'est de pas l'avatar, le point fort. De l'avatar, c'est pas le point fort. Mais bon, voilà, ils ont un petit peu... voilà, il y a plein d'habits, il y a une boutique derrière. Donc voilà, qui est quand même pas mal pour personnaliser son Mi. Alors attends, question... Et donc c'est juste un jeu de questions-réponses en fait. C'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est totalement gratuit. Ouais. Et les affaires en plus... sont payantes? Non, alors voilà, c'est ça. C'est, ils te donnent des pièces virtuelles où tu peux acheter les costumes. D'accord. Et si tu en veux plus, tu peux acheter des pièces virtuelles pour acheter encore plus de costumes. D'accord. Mais Nintendo ont pas été trop voilà, hein, ça dit que sur le coup, parce non, qu'ils non, ont quand même tout. Voilà, on peut changer quand même assez facilement d'habit hein, tous ouais. les jours et tout. D'ailleurs, c'est un peu l'intérêt. Parce que voilà, vous allez voir le système de questions-réponses. Je vais vous donner des exemples assez croustillants. Donc voilà. Alors attention, hein, je vais donc ça, vous il dire. Ça, il se lance dedans, quoi. Voilà, je vais pas dire donc le mic qui m'a répondu. Non, du tout. Non. Ce truc, ça commence par dans, ça finit par dit. Donc voilà, tout le monde. En... Coucher des enfants. Ce genre de questions. Alors, en matière de pâtes, qu'est-ce que tu préfères? Voilà, le genre de questions typiques sur Mitomo. Alors la réponse de ce monsieur Dan et Philippe Hardy, je suis un gros bouillaveur de pâtes, je les fourre toutes, je les aime tous, même al dente bien sûr. Bon, ma réponse a été, private joke bien sûr, tu préfères les pâtes roumaines ou russes? Il m'a répondu, ah j'aimerais goûter les deux, mais juste goûter les nouilles chinoises. Voilà, donc c'est un peu l'esprit Mitomo en ce moment, c'est-à-dire que Mitomo, on s'amuse, ça dépend de la qualité des réponses de vos amis. C'est-à-dire oui. que il y en a j'ai des amis qui les prennent au premier degré. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu aimes comme pain? J'aime le pain aux céréales. Bah, je m'en fous complètement que t'aimes le pain aux céréales. Moi, ce que je veux, c'est des réponses un petit peu second degré ou que on rigole. Bon, après, il y en a qui sont, ce que je disais, complètement trash et cash. Et justement, ce qui est bien, c'est que Nintendo n'a pas mis des mots censurés. D'accord. Donc, ouais. Ils passent tous. Il y a juste, voilà, le vieil adage qui dit on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui marche bien, parce qu'ils peuvent quand même se plaindre des propos que tu tiens. Tu peux donc, signaler. Attention quoi. Quand même aux amis Facebook que vous ne connaissez pas trop, ils peuvent se plaindre. C'est ça, voilà. Parce que si tu tombes sur un mi assez nazi avec une petite moustache qui tient des propos complètement, enfin. Oui, mais si ça reste ton ami, ça peut rester entre vous. Oui, voilà. Justement, d'ailleurs, il y a un système de questions-réponses où tout le monde peut voir ce que tu fais et ce que tu réponds, et il y a des questions que entre nous. Ouais. Tu vois, d'accord. On s'est sorti des private jokes sur notre vie sentimentale tous les deux. Et il y a que nous qui l'avons vu, on va pas le dire là à l'antenne. Donc, mais et c'est vrai que ça peut poser peut-être problème, je pense, au niveau. C'est interdit au moins de 13 ans, faut le savoir. Déjà. Mais ça peut poser peut-être des problèmes chez les très très jeunes. Voilà. Alors, parce qu'il y a plein de choses qui, j'ai plein de questions moi sur Miitomo. Déjà, à quoi ça ressemble? Est-ce que moi j'imagine. Alors on a notre Mii. Alors je trouve que la force de Nintendo dans Miitomo, c'est d'avoir fait parler le Mii. Ça a l'air tout bête. Il y en a qui ont horreur de la voix, mais tu peux vraiment changer et répond un peu à la Siri. Est-ce que tu si au pire Dandy, prête-nous ton casque, on va le brancher sur le téléphone de ta gars et genre tu mets le casque, tu sais, par-dessus le micro. Je pense qu'on va l'entendre un petit peu. Ça marche. Oui, normalement on devrait l'entendre, mais bon. Parce que dans l'idée c'est quoi? Moi j'imagine un grand univers, genre un monde ouvert. Non, pas du tout. Dans un appartement fermé en fait. Voilà. C'est comme un Tamagotchi. T'es dans une cellule. Quoi. C'est pas Animal Crossing. Voilà, c'est Tomodachi Life mais en version plus light. Hein. C'est-à-dire qu'il y a juste ce système de. Alors il y a un mini-jeu, ça s'attrape, lâche ton Mii, mais alors c'est vraiment, voilà, ton Mii tombe et hop, t'as un, oh super. Tu lâches une pêche en fait. T'as un petit bonbon, oh t'as un nouvel habit, ouais génial et tout. Mais le jeu est Tu vends bien le truc en tout cas. Ouais. Hein. Non mais pas super, hein. Le mini-jeu est vraiment, c'est pas là l'intérêt. L'intérêt est vraiment dans les réponses. Disons que voilà, pour les personnes qui ont passé l'âge de l'adolescence, pour que le jeu ait vraiment un intérêt, ça va se passer au niveau des discussions avec les gens, quoi, clairement. Voilà. Et il faut pas prendre le truc au premier degré. Il faut vraiment déconner et partir en sucette, raconter n'importe quoi. Faut pas mal d'autodérision, tu vois. Alors, je vais citer une question que j'ai eue à un moment donné. Le Mii te demande si tu tapes ton nom sur Internet, qu'est-ce que tu trouves? Oh là, mon Dieu. Je l'ai fait, tu vois. Donc moi, j'ai répondu une tête de con. Parce qu'il y avait ma gueule sur Google Images. Je pense à ceux qui ont adoré faire dire des conneries à Tay, par exemple, de Microsoft. Ils vont s'éclater à Miitomo, entre amis, et ils vont pouvoir. Bah, alors ça va rester entre eux, mais au moins ils vont pouvoir essayer de tester l'intelligence artificielle, de lui faire dire n'importe quoi. Voilà, parce que ça, on va en parler de comment on se retrouve et tout ça. Mais fais-nous. Alors voilà, il y a un lecteur. En gros, c'est une voix comme Siri en fait. Voilà, tout à fait. Ce qu'on disait hors antenne, c'est que maintenant ils proposent de plus en plus dans les bagnoles des systèmes qui lisent à voix haute les textos. Donc c'est le même principe en fait. Ouais. Ah, attends. Alors, est-ce qu'on entend, parce que c'est vrai que là. Attends, je coupe la bande son. Alors, on entend un peu. Coucou, c'est Tagazo. Salut beau boss. Coucou, c'est Tagazo. Tu peux pas lui faire dire un truc graveleux dégueulasse? Ah mais il faut que j'écrive. Donc pose-lui une question. Enfin, va sur ton truc et pose-lui une question. Alors voilà, le genre de question qui peut y avoir sur Miitomo. Attention, on est toujours en direct hein, sur Ode Radio comme d'habitude, on teste des trucs. Bonsoir. Nous sommes de plus en plus classe. Ma part, pour fêter ça, nous avons même reçu un cadeau de la part de Nintendo. Voix est assez angoissante. Ouais. Bah alors, oui, c'est Tagazu qui l'a choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Hein. J'ai choisi une voix un timbre, flippant pour faire peur à tout le monde parce que ça m'amusait. Mais tu peux essayer de changer le timbre de la voix et voilà, la hauteur aussi, c'est ça? Ouais. Et donc dans l'idée, c'est un réseau social. Donc comment ça se passe? On s'inscrit, on remplit une fiche. C'est à la Nintendo. C'est-à-dire que c'est assez spécial. Nintendo, ayant très peur des remontées. C'est pour ça, c'est bizarre d'ailleurs que j'ai trouvé ça bizarre qu'on puisse tout dire sur Miitomo et qu'il n'y avait rien de censuré. Parce que là, on peut avoir que ses amis Facebook ou alors faire du face à face pour avoir un ami. C'est-à-dire que tu ne peux pas taper un nom ou un pseudo d'un de tes amis ou d'une de tes connaissances ou que tu aurais vu sur Internet, tu peux pas taper son pseudo et ça tu pourras pas le mettre dans tes amis Miitomo. C'est vraiment que tes amis Facebook, donc il faut que tu l'aies déjà sur ton compte Facebook ou bien en face à face quand tu le croises, on se fait un face à face et tout. Donc ça limite un peu les choses. C'est vrai que ça limite aussi les débordements. Je pense que Nintendo a peur de ça vu qu'en plus on peut dire tout et n'importe quoi. Avec nous il faut qu'ils aient peur. Voilà, si on chope sur Internet un pseudo et on le rentre, donc je pense qu'ils ont ça. Donc c'est un peu dommage, mais ça va peut-être protéger le réseau social pendant un moment jusqu'à ce que les dérives soient. Ça va vite partir en couille, je le sens. Parce que c'est le genre de truc assez bête et méchant. Oui, parce que ça finit en concours de la meilleure vanne. Mais en fait. Suite détourné, tu vois. On a un bon exemple avec Kogu, parce qu'on en parle souvent, mais tu sais, les streamers la nuit. Ah oui. Tu vois la Playroom qui est juste un petit bijou de technologie où tu peux faire de la réalité augmentée avec un robot et au final tu te retrouves à voir des streams la nuit de mecs qui font n'importe quoi, ça part en couille quoi. Ah oui, c'est regarde, j'en ai d'autres hein, ça va finir en chat roulette mais avec des mi, tu sais. Pour quelle chose arrivée récemment éprouves-tu du regret? J'aurais dû acheter du papier toilette avant d'aller faire la grosse commission. Voilà. Et quand ton mie te dit ça et que t'es le soir dans ton lit en train d'écouter ça, voilà, ça te fait rigoler. Alors ça, c'est très répétitif, hein. Donc à mon avis, peut-être qu'on va s'en lasser d'ici 2-3 semaines. La chose qui est pas mal aussi, moi, je trouve, c'est que Nintendo a mis au point son nouveau système de fidélité qui s'appelle My Nintendo, qui est donc sorti comme par hasard en même temps que Mitomo. Et donc, et tu peux avoir des jeux en démat gratuit si tu farmes bien le jeu Mitomo, et même des réductions sur des jeux genre Splatoon, là j'ai vu c'était Splatoon, et des jeux en démat qui sont sortis des grands classiques de Nintendo. Donc il y a quand même un petit côté voilà, pour les gamers qui aiment Nintendo. Bon, c'est dommage, je regrette toujours le club Nintendo, on pouvait avoir des vrais objets, ouais, et, ouais. Et avoir des dommage. Points et tout, c'est dommage, maintenant tout est en démat. Mais bon, voilà, c'est l'avenir. J'espère que c'est pas l'avenir de Nintendo de nous sortir des applis et des jeux smartphone. Mais... Alors, on va parler des chiffres parce qu'ils sont hallucinants. Oui, ils sont hallucinants. Juste c'est avant, vraiment le buzz du moment. Il y a Grog qui nous dit, il y a pas que Facebook, il y a aussi les follow Twitter, Google Plus. Oui, ah oui, Twitter. Et, j'ai oublié. La liste d'amis Nintendo aussi. Voilà. Mais c'est voilà, on peut pas, il faut les accepter en amis et après on peut les avoir. Alors, donc, alors un conseil pour attends deux secondes, The O dans la radio, au pire contacte-moi en MP parce qu'il me pose plein de questions sur la radio mais je te répondrai pas en direct à la radio. Contacte-nous en MP sinon. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, Tagazu et moi-même et bientôt l'Infernal et je sais pas toi. Ah si, Kogu, tu viens t'y mettre. Tu l'as pris, oui. Je sais pas encore, il faudra bien que je m'y mette. Ah bah voilà. Alors si vous voulez nous retrouver de façon à ce qu'on puisse jouer ensemble, venez soit nous ajouter donc sur nos Facebook ou nos Twitter parce que c'est le seul moyen qu'on a actuellement de pouvoir jouer avec des gens. Petite précision aussi, la gourmandise de cette application est énorme. Ouais. Je n'avais jamais vu une application qui vide ma batterie aussi vite. Ah ouais. Donc attention pour ceux qui sont possesseurs d'iPhone, attention, rachetez trois batteries alors, de secours. Les possesseurs d'iPhone sont déjà au courant depuis oui, bien longtemps. Depuis bien longtemps. Mais alors là, je te jure que là, c'était un truc de fou. J'étais waouh. Donc oui, ils ont tous des batteries de secours, les possesseurs d'iPhone. Et donc la question, parce que Nintendo, voilà, en ce moment, on sait que niveau console et tout, bon, ils bataillent un peu avec la NX, on sait pas trop où ils nous emmènent. Il y a eu combien de téléchargements de cette appli? Ouais, plus de 3 millions déjà. Il y a déjà plus de 3, ouais, plus de 3 millions d'utilisateurs. Et ouais. Et c'est pour ça au Japon, c'est un énorme succès. Mmh. Et ouais. Alors c'est sur le l'iTunes Store, l'eStore, c'est numéro 1 des téléchargements devant Periscope. Ah oui, oui, voilà quand même. Periscope, c'est pas fait le gros buzz récemment. C'est l'appli qui défonce tout partout en fait. Je sais pas sur Android où on en est, mais je pense que ça va pas tarder à être premier. Des aussi. Couples vont peut-être se former, ils vont faire de l'ombre à Mythique. Voilà, c'est ce que disait Gazou. Oui, oui. C'est ce qu'il disait déjà, c'est que c'est une espèce de Tinder pour adolescents. C'est-à-dire qu'il y a certains adolescents qui l'ont un peu détourné pour se rencontrer, pour se déjà de se connaître un peu mieux. Enfin, montre-moi la nana que tu vas attirer en lui disant que t'as plus de PQ chez toi. Quand voilà. Même. Alors non, c'est voilà. C'est surtout le monsieur qui a répondu ça. Ça c'est Médos. C'est moi, monsieur Dandy. Hein, donc voilà, ça dépend de la réponse, mais je sais pas moi. C'est y a surtout des que tu t'essayes de draguer avec un mi quoi. Voilà. Bah, ouais. T'imagines la meuf ou le gars, il se dit, putain, elle est bonne. Quand t'es adolescent, voilà, putain, t'as peut-être pas, t'as ouais. Encore des boutons un peu attends, sur le ça, visage et tout ton mi. Ça se trouve, tu peux avoir un mi qui est beaucoup plus beau que toi. Voilà, toi. C'est ça. T'imagines la meuf, elle fait imprimer le mi, tu sais, puis le jour du vrai rendez-vous irréel, elle cherche le gars. Mais ah, mais je t'avais pas reconnu. Essaie peut-être de montrer à la caméra pour ceux qui connaissent pas quelques images, vu qu'on a la chance d'avoir des images. Ouais, ouais. Très radiophonique encore, cette histoire. Ouais, non, mais pas celle où t'as allongé sur Clément, sur son lit, à jouer avec lui, à Trackmania. Alors, on aurait bien aimé. On verra des images. Ouais, de toute façon, il y en a plein sur le net pour les auditeurs qui nous écoutent à la radio. Mitomo, donc c'est gratos. Moi, je vais la télécharger dès ce soir. Oui, c'est sympa. De toute façon, c'est gratuit. On t'attend avec impatience. Tu vas ça voir. Ça ne coûte alors, rien. Attention, ils annoncent quand tu l'installes, quand tu le télécharges, parce que tu télécharges d'abord une partie du fichier et après, tu as une autre partie à télécharger. Ils te demandent d'être connecté en Wi-Fi parce que tu as beaucoup de poids à télécharger. Ah ouais. Oui, donc attends peut-être demain pour la, ouais, pour la télécharger. Ok. Chargement très très long quand même. Et juste une question comme ça. Tu dis que c'est un réseau social dans l'idée, mais Twitter, Facebook, il y a des murs d'actualité. Là, moi. là, en fait, ce que j'ai compris, c'était un petit mi dans un appart. Et il y a des questions comme ça qui défilent. Et mais les questions, c'est quoi? C'est l'IA qui te les pose? Oui, oui, c'est l'IA qui te les a. D'accord. C'est pas des gens à qui... tes amis et qui les pose aussi à toi. Et donc, tu peux réagir aux commentaires, voilà, comme sur Facebook, tu mets un petit commentaire des réponses. Donc, tu vois les réponses. Ils sont intelligents pour que ça marche, parce que tu vas te dire, au bout d'un moment, tu t'en fous de tous tes amis, ce qu'ils répondent, le pain, quel est ton pain préféré ou autre chose, n'est-ce pas, Dandy? Et du coup... pain aux noix. Du pain aux noix. Et du coup, il y a un système de pièces chaque jour. Si tu réponds genre à 5 réponses posées par l'IA, et si tu mets 5 commentaires, tu as des pièces pour t'acheter des habits pour voilà, qu'il ait le swag un petit peu, ton avatar. Donc du coup, vu qu'en plus ça c'est relié avec le nouveau système de fidélité de My Nintendo, ouais. Et ben moi je le fais, tu vois, j'y vais pour essayer de me dire si je peux avoir un petit jeu des maths, ou du coup moi ça m'intéresse. Et puis bon, j'aime bien écouter les conneries des amis. En plus il les sélectionne par rapport à voilà, si tu likes beaucoup un ami, il te les donne beaucoup. D'accord. Donc en ce moment, Dandy, je sais toute sa vie, c'est génial. La plupart des choses que je réponds, après, c'est des conneries exprès, des conneries, qui sont pas forcément réelles. Donc, on peut détourner bien le jeu, et ça, c'est rigolo. Ok, bah écoute, je pense qu'on n'a pas fini de rigoler avec quoi. Yes, bon, on va se quitter là-dessus. Juste avant, on va revenir un petit peu avec Adrien sur le studio qu'il est venu représenter ce soir. Mais juste avant, la semaine prochaine, on fait le test de Pokken. On vous parle de Pokken dans l'émission. Et je sais pas, on va voir du temps. Donc si, je sais, on va parler de la bêta de Battleborn aussi. Ah, voilà, je l'avais noté sur mon agenda et j'avais oublié en route. Mais on va vous parler de ça, la bêta de Battleborn et le test de Pokken. Et donc voilà, donc Adrien, le studio Black Flag, l'actualité chaude, bouillante du moment. C'est un nouveau jeu. Ouais. Orphan Age. Il y a juste une image qui a été publiée demain au Hangar 14 à Bordeaux. Vous pouvez voir un peu plus du jeu. À quoi ça ressemble, quel est le gameplay, quel est le message infect et la propagande qu'il y a derrière. Un truc bien, bien trash, ça va être cool. Yes. Un site internet peut-être, un Facebook, oui, on peut vous suivre votre actualité. Studio Black Flag et Facebook, Twitter, c'est Studio Black Flag attaché. Voilà. Yes. Facebook ou @Studio Black Flag, et comme ça vous saurez tout. Irmin Soul sur Steam. Irmin Soul est sur Steam, Game Over c'est sur notre site web. Et Orphan Age super bien, super vite, je pense d'ici 2-3 semaines on va commencer à teaser un peu plus. Voilà. Okay. Et donc tiens, avant qu'on se quitte, tu parles de Steam. Comment ça se passe quand tu crées un jeu et que tu veux le vendre sur Steam? Alors, il y a plusieurs manières. La première, c'est que tu es un éditeur, un diffuseur un peu connu, ou tu es coopté parce que tu as un nom un peu connu. Tu arrives directement sur Steam, donc là tu prépares ta page, tu mets les icônes, les trophées, des choses comme ça, et tu détermines un prix, une date de lancement, et c'est parti. Quand tu es inconnu, que tu as des preuves à faire, eh bien tu dois d'abord passer par un site qui s'appelle Greenlight, ouais. Où tu vas mettre un trailer. Généralement ton jeu est pas fini à ce moment-là. Tu mets un trailer, des gifs, des images, tout ce que tu peux, quoi, des infographies, du texte pour expliquer quel est le concept de ton jeu. Et là les gens vont passer dessus, surtout dans les premiers jours où il va y avoir peut-être 10, 12 000 personnes qui vont passer sur la page de ton jeu, et ils vont cliquer sur est-ce que tu voudrais l'acheter quand ce jeu sortira, oui ou non. Ah, okay. Et il faut avoir un certain nombre de votes positifs, et plus il y a de gens qui attendent le jeu, plus le jeu va être greenlighté rapidement. C'est vraiment la communauté qui décide, quoi. Tout à fait. Alors il y a toujours des manières de gruger un peu, parce qu'il y a des gens qui, pour gagner des votes, vont sur des sites de... qui achètent des personnes qui remplissent le questionnaire. C'est même pas sérieux. C'est qu'ils vont sur des sites de dons de clés, quoi. Vous rentrez dans cette loterie, vous votez pour le jeu. Si il y a 400 votes en plus sur le jeu dans la journée, on rajoute 50 clés du jeu à gagner le jour où il sort. Si il y a 1000 votes dans la journée, on rajoute 400 versions gratuites du jeu à se partager, et ça incite les gens à voter pour essayer de récupérer le jeu gratuitement. Ah, yes. Donc c'est un peu de la triche, quoi. Et c'est pas forcément la manière la plus saine de d'amener des jeux aux joueurs. Chez vous les pirates, vous faites pas ça. Black Flag, non. Un grand coup de tonneau explosif, voilà. Vision. Mais c'est surtout que ça fait du mal à l'industrie du jeu. Mais au oui. final, parce que le but c'est d'avoir des jeux qui correspondent à ce que veulent les joueurs. Et si on met les jeux en travers de la gorge, au final, on se retrouve tous avec des bibliothèques immenses pleines de jeux qu'on n'a pas envie de jouer. Oui, voilà, c'est ça. C'est assez courant chez les utilisateurs de Steam. Moi, c'est pas le cas. J'ai pour pas les Steam. Seuls, oui, qui n'a pas acheté un jeu, qui n'a jamais joué. Non, mais c'est exactement ça. Et genre, il y avait. Faudrait que je retrouve ça, mais il y avait des statistiques hallucinantes sur Steam. Je crois qu'il y a, enfin, il y a des heures et des heures de jeux, mais personne y joue, quoi. Enfin, je crois qu'il y a 40% des jeux achetés qui ne sont même pas installés. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais, c'est oui, un truc comme ça. Ouais, il y a peut-être 20-30% des jeux Steam qui sont finis. Ouais. C'est, ouais, voilà, c'est ça. Ça donne un peu l'idée des fois des utilisateurs de Steam. Bah, le truc c'est que Qui n'ont pas le temps. Mais voilà, c'est ça. Le et temps. Puis, et c'est même, je trouve hyper typique des shops, que ça soit sur PS4 ou Xbox. C'est clairement le jeu des maths. Pour moi, c'est de l'achat compulsif, quoi. Ah oui, c'est de l'opportunisme. Clairement. Tu te dis, le jeu est pas cher, bim, t'achètes, et puis tu joues pas, mais tu sais que tu l'as eu pour pas cher et que si jamais un jour tu t'en sors, bah, tu joues. Faut pas non, pas forcément. Non, mais enfin. Je trouve que c'est quand même pas mal de l'achat compulsif. C'est parce que les prix sont super bas et ouais. beaucoup trop bas par rapport à ce que c'est. Le boulot de 10 personnes pendant 2 ans, ça vaut pas 10 euros, quoi. Je suis désolé. Oui, voilà. Ça vaut oui, bien oui. plus que ça. C'est pour ça que, enfin, moi, on en parlait avec l'Infernal, je préfère acheter, voilà, des fois, une belle galette. Même j'ai acheté. J'étais triste qu'Unravel ne sorte pas Ça viendra, hein, c'est sûr. Je pense que ça viendra Mais alors, voilà, c'est quand même pas mal vendu, du coup. Et, ouais. Est-ce que tu es nul, Unravel? Non, moi j'ai bien aimé. Et tu vois, l'Odyssey Dave sort en boîte dans peu de temps, alors qu'il est sorti l'an dernier, le remake New Testy. Donc tu vois. Pour les jeux indés, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle The Indie Box, auquel on peut s'abonner et qui permet de recevoir des versions matérielles de jeux indépendants qui ont un bon marché. Et comme ça, on a un boîtier collector, les DVD, les Blu-ray, etc. de ces jeux. C'est comme, j'allais dire, avec les artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je pense un peu moins. Il y a eu, vers les années 2000, une grosse vague de téléchargements illégaux. Moi, honnêtement, bon, voilà, quand t'es jeune, tu te pirates 2-3 albums ou quelques films. Mais, honnêtement, voilà. La foule est pas contente, hein. Clairement, voilà, c'est pas bien, hein. Et d'ailleurs, quand on grandit un peu, quand on a de l'argent parce qu'on travaille, on se rend compte que quand on aime un artiste, quand on aime des développeurs de jeux, déjà pour soi, ça fait, je pense, si on est bien constitué, qu'on est une personne gentille, ça fait du bien de se dire que on va donner de l'argent à des gens qui ont bossé. Ça nous fait plaisir de contribuer en fait au. À la vie d'un studio, à la vie d'artiste. Ah oui, non, mais alors, carrément. Moi, clairement, voilà, il y a des artistes que j'adore, mais vachement, et je me dis, je m'en fous, je vais acheter tous leurs disques, j'aurai rien en version dématérialisée, ou sinon, juste pour mettre dans mon MP3, mais, et c'est pareil pour les jeux. Il y a des jeux qui méritent clairement, d'avoir de l'argent. Je parle, par exemple, les Metal Gear, The Witcher, enfin, dans les derniers qui sont sortis, qui sont de bons gros jeux, qui Action méritent vraiment. Verge, c'est rien que le nom du jeu me donne envie de leur donner des sous, tu vois. Ah ouais, non, mais carrément. Sur The Witness, il avait prévenu, ils avaient fait un tweet en disant, s'il vous plaît, ne téléchargez pas de façon illégale ce titre. Faites-le. C'est parce ça. Que voilà, ça, on arrive d'autant plus des studios quand ils sont pas gros. Là, donc deux personnes, une personne. Bon, là, même si vous en avez en freelance. Sur Irmin Soul, on est monté à 9. Oui. Mais je veux dire, enfin, il y a, enfin voilà, on peut réellement, si on le tue pas, en tout cas handicaper fortement la vie d'artiste de quelqu'un, en tout cas qui a mis son sang, sa sueur, télécharger tous le dernier album de Maître Gims, voilà, de façon illégale. Je pense que même si on le télécharge 1 million de fois, il est. C'était quoi tu disais, on n'avait pas d'avocat ou de radio. Bon ben voilà, merci Kogou. C'était la dernière émission. Comme tu disais tout à l'heure, Adrien, voilà, c'est clair que une vague de téléchargement sur un jeu qui sort, ça peut tuer le studio, quoi. Clairement. Alors c'est. Tu disais par rapport si un jeu sort avec par rapport au financement sur un jeu indé, que derrière le jeu ne se vend pas. Alors déjà voilà, c'est ça, c'est le fait qu'il ne rapporte aucun revenu qui peut couler un studio. Ouais. En fait, ce qui est un peu particulier. Ah, j'adore cette chanson. C'est de RF Extreme, Miami Lights, 1984. Rien que le nom, ça me fait rêver déjà. Pour de vrai. Alors, si le jeu se télécharge vachement, c'est qu'il s'est vachement vendu. Parce que les pirates sont les premiers consommateurs de biens culturels. D'accord. Et oui, de toute façon, il leur faut la base physique pour le mettre en digital. Et puis même pour le craquer et tout. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à pirater énormément de musique. mais c'est pour tester des albums et ensuite j'en rachète énormément sur SoundCloud, Bandcamp. Mm-hmm. Sur Bandcamp principalement, j'ai plein d'albums, dont celui-là par exemple que j'ai acheté. Je crois que maintenant il est devenu gratuit. Okay. Mais au bout d'un moment, on a pas forcément le budget dans le mois pour écouter. Donc on le télécharge, on sait qu'on l'achètera quand on voudra. Pareil avec des jeux, je sais pas s'il me convient, je le télécharge. Ah oui, après, c'est clair qu'il y a des jeux où je me suis dit, heureusement que j'ai téléchargé le jeu et que je l'ai pas acheté. Tu dis heureusement. Donc voilà, il y a des jeux par contre auxquels j'ai joué. C'était il y a quelques années. J'avais téléchargé Skyrim parce que je ne connaissais pas la licence d'Elder Scrolls. J'ai joué à ce jeu, j'ai adoré, et du coup je me suis acheté le collector avec tous les Elder Scrolls dedans, ouais. Parce que c'est génial. Et ça, je pense que il faut le faire aussi bien pour la vidéo que pour la musique, que pour les jeux. Donc clairement, voilà, c'est important. C'est vrai que de toute façon, dans la loi, il n'est pas interdit d'avoir une copie digitale à partir du moment où on a une copie physique. Oui. En gros, si vous avez joué un jeu, que vous l'avez téléchargé illégalement, qui vous a plu et que ça vous donne envie de soutenir le studio, achetez-le parce que clairement, vous serez en situation légale, vous serez plus dans l'illégalité. Et je pense que pour vous, ça vous fera un petit peu de bien de vous dire, bon, c'est clair, j'ai acheté un petit biston, mais au moins, je contribue à la bonne santé financière studio qui développe le jeu. Après, tout le monde ne pense pas comme ça. Ça va être le gros problème avec les prochaines générations. Le problème des jeunes, c'est que nous, Internet, on l'a découvert. On a grandi avec. Le problème des... Non, on n'est pas né avec. Nos enfants vont naître sur Radio React. Alors les jeunes, nous allons entendre les derniers titres des enfoirés. Non mais comment expliquer aux jeunes qu'avec Internet ils ont accès aux plus grands magasins gratuits du monde, mais qu'ils ont pas le droit, ils ont rien le droit de prendre dedans, quoi. Je pense pas que ce soit un problème de jeunesse, hein. C'est un problème d'éducation, mais on peut le trouver dans toutes les tranches d'âge. C'est que si tu veux avoir quelque chose de qualité, il faut payer. Voilà. Ouais. Et malheureusement, ça fonctionnera toujours comme ça. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui seront passionnés, qui vont bosser comme des oufs en sous-marin pour sortir un jeu démentiel, qui seront prêts à sortir gratuitement. Il y en a eu plein de jeux indés notamment, mais aussi d'albums, de musique, de comics qu'on peut trouver sur Internet, qui sont vraiment super. L'idée, c'est que surtout un studio, ok, les mecs ils sont surtout vannés, quoi, parce que généralement on essaie de faire le meilleur jeu possible à chaque fois qu'on en sort un. Les dernières semaines de la sortie d'Irmin Soul, j'étais passé sur un mode de travail 7 jours sur 7 de 9h à 1h du matin, et comme c'était pas passé, je suis vite passé de 8h à 2h du matin. Et c'est pas c'est pas le moment où j'ai le plus bossé sur ce jeu, mais c'était quand même assez costaud. Et quand tu arrives après ça et que tu vois que ton jeu se marche pas, tu dis bon, j'arrête. Ouais, c'est dur, hein. C'est ce qui fait que, il y aura les mecs qui ont créé Fez, qui est un des meilleurs jeux de plateforme jamais fait à mon avis, on n'aura jamais de suite. Parce que les mecs, ça a été trop dur de le faire, et en plus ils ont pas été super malins de leur communication, ils sont mis à dos de la communauté, ils sont bien insultés. Il a pété un câble, le gars. Il a pété un câble. Ah bon? Ah oui, c'était un gros buzz. Bon, on est en train de dépasser largement, mais on a le temps. Mais c'est quoi cette histoire de Fez? Il s'est pris pas mal d'insultes. Le jeu était était très buggé à la sortie, et direct le mec il a profité de toutes les critiques. Il était un peu dans son sous-marin pendant toute la production du jeu, et il a lâché les vannes, il a commencé à insulter des joueurs, chose que je comprends tout à fait. Et il a commencé à critiquer. Oui, les gars, c'est leur bébé, et que tu le lâches sur Internet, et des fois on sait à quel point il y a des haters sur Facebook ou sur Twitter. Oui. Oh, on les connaît. Donc du coup, te les prendre comme ça alors que tellement de choses pour ce jeu et tellement d'heures de jeu que c'était un truc du genre allez vous faire foutre. Merci Père Hatchoum pour le follow. C'est un truc du genre allez vous faire foutre, je vous emmerde, je me suis cassé le cul pendant je sais pas combien de temps pour faire ça. Si vous aimez pas, vous êtes des connards. Tu vois, le mec avait balancé un truc de la colère, quoi. Oui, mais bon, je pense que sur le coup de la colère, à mon avis, le mec devait avoir 2 millions de tweets qui le hater, quoi. Donc, en fait, la question d'acheter ou pas, c'est est-ce qu'on veut avoir d'autres jeux comme ça. C'est, au final, quand on achète un jeu, le jeu il est déjà fait. L'argent il va pas être réinvesti dans le jeu pour l'améliorer, à part si c'est du early access, que le jeu est en cours de construction ou que le jeu va être maintenu pendant des années, comme le cas d'un MMO, etc. Mais si on veut avoir une suite à ce jeu, si on veut que le studio il continue à faire des jeux dans ce genre, si on veut qu'il continue à faire des jeux de qualité et qu'il s'améliore, il faut acheter son jeu parce que c'est ce qui permet de financer la suite. S'ils n'ont pas ça, ils vont être obligés de passer par un éditeur qui va forcément leur dire bon, en fait, ce qui marche en ce moment, c'est le FPS avec des zombies. Mais nous, on voulait faire un jeu de voiture. C'est ça. Et au final, bah, ça pousse les gens à aller vers les éditeurs. Et on sait très bien que les éditeurs, c'est pas là où il y a l'originalité. C'est pas eux qui vont révolutionner le jeu vidéo. Et ouais. Voilà. Donc si vous voulez de meilleurs jeux, eh ben malheureusement, il faut payer. Carrément. Bon, je pense qu'on va, on peut se quitter là-dessus. Sur ces belles paroles. Bon, en tout cas, merci Adrien d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. On se croise souvent dans des événements sans trop savoir. Non, ça fait plaisir. Ouais, c'est carrément. Maintenant, on fera pas que se sourire. On se regardera intensément et on ira boire un verre ensemble. On se rappellera ces moments passés ensemble. La dira, putain, mais qu'est-ce qui m'a cassé ton jeu. Putain, j'ai eu du mal à finir. Putain, tu me fais chier. Donc là, c'était cool. Le programme pour les streams, je vous promets rien, mais vendredi 8. Il y a la bêta de Battleborn, une bêta ouverte. Donc sur la chaîne de La Voix du Geek, on va essayer de faire quelque chose et on va essayer de le streamer. Et puis à partir de mardi prochain, il y a du Ratchet & Clank, du Dark Soul. Et puis après, ça va être en mai, hein, niveau sortie. En mai, on se fait assassiner. On a Battleborn, Uncharted, Doom, Shadow of the Beast, Homefront, Sherlock Holmes, Dead Island. Bam. Envoyez des Sioux, quoi. Et Mirror Edge, attends, ouais. Attends, faut pas l'oublier celui-là. Et Mirror Edge, je vais m'énerver, moi. Cela dit, tester Quantum Break, ça a l'air d'être le jeu de l'année. Oui, mais ils sont, oui. Alors, je l'ai vu, après, voilà, j'y ai pas joué, je l'ai vu pendant une bonne grosse demi-heure. Le concept est cool, mais j'ai l'impression que c'est un peu couloir, en fait. Un peu à la Uncharted, où t'avances, tu tues des gens, t'avances, tu tues des gens. Peut-être, mais je pense que c'est le seul jeu next-gen qui apporte quelque chose qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été proposé aux joueurs dans le triple A sur cette nouvelle génération. Tu parles sur la gestion du temps? La gestion du temps, avoir une série en même temps, dont les épisodes changent. Oui, exact, avec, ouais. Avec des acteurs de malade. Ah, yes. Plus. Et les épisodes qu'il y a dans la série changent selon certains trucs que tu as débloqués dans le jeu ou pas. Les événements que tu as fait dans le jeu. Mais attends, mais comment c'est possible? Parce qu'ils ont ils ont prévu que tu fasses certaines choses dans le jeu. Est-ce que tu as trouvé cet objet qui tu l'as montré à quelqu'un qui a du coup modifié le cours du temps et ça c'est une bonne idée par contre. Ça c'est un truc ouf. Carrément. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On essaiera de se pencher dessus et de trouver une copie de ce jeu et puis bah d'en parler dans l'émission, évidemment. Et puis voilà. Merci Tagazu. Oui, ben merci à tous et puis rendez-vous. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci Dandy. Et je vous t'embrasse tous et toutes. Bisous Kogu. Bisous l'infernal et puis merci à toi pour tout ce que tu es venu nous apporter aujourd'hui. Et merci Adrien. Carrément. Et puis merci les viewers, merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vois Grog, The O dans la radio. Il y en a quelques-uns là, je vois, je fais défiler. Merci aux nouveaux follow également. Oui, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Dès que c'est possible, on reprend le stream sur la chaîne, ça va pas tarder. Et puis voilà. Allez, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci à toute l'équipe pour cette bonne émission encore, nous dit Grog. Et ben merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci. Allez, ben il est bientôt 9h, écoute. Tu nous as mis en retard pour le film 21h50. Tu rends compte? Non, il y a Mike Horn ce soir. Oh merde. Ah, mais moi vrai. J'ai plus la téloche moi. Oula, attention. Moi je suis sur mon île, hein. Je vous attends, hein. Essayez de ramener du PQ, j'en peux plus des feuilles et des branches là. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Ciao, ciao. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3.